Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien, bonsoir à tous. Nous étions pressés de commencer l'émission, 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, évidemment, donc de 20h à 22h30. Et là, on est entre mecs, entre couilles, comme dirait. Alors, j'ai on va peur. Puisqu'effectivement, notre petite Onissa sera pas avec nous ce soir. Mais elle nous écoute. Elle nous écoute, donc un petit coup de fatigue et on lui souhaite de bien se reposer. Bon et bon on la retrouvera la semaine prochaine. C'est ça, ouais. Et bon, on va faire un tour de table. On va commencer par Canon qui est avec nous, évidemment. Salut Canon. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, bonsoir le monde. Salut, j'espère que vous allez bien. Oh, mais dis donc, quelle pêche. Oui, bah il en faut. Ah ouais, non, mais heureusement que t'es là. Hein, comment allez-vous? Bah oui, bah j'espère que vous êtes réveillés quand même ce soir. Si, ça va. Parce qu'on nous écoute entre la France et Navarre, et je vais pas le faire encore. C'est vrai, il y a des gens, le Québec, l'Australie, même la Belgique nous écoute. Absolument. Oui. Ah bah, non, mais bien sûr, on nous écoute un peu partout dans le monde. Mon oncle de Seclin qui nous écoute aussi. Qui ça? Mon oncle, que tu connais. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, mais c'est mon oncle. Serge. Ah oui, évidemment, bien sûr. Ah, je savais pas que c'était Seclin. Si, c'est Seclin. Ah d'accord, okay. Ah bah non, je sais pas. Je sais plus, c'est Atiche, Tumri, Seclin, ouais, je crois, mais c'est dans ce coin-là. Je crois que c'est Atiche. Donc c'est Atiche, d'accord. Donc on salue les Atichois, les Ratiches, Ratichoises. On salue qui on veut. Oh, dis Atiche, moi. Nous sommes aussi également avec Flip 4. Eh oui, bonsoir à tous. Ah, lui, il est tout fier. Il a été remonté ce week-end, il a vu son idole. Bah non, je sais de. Mais j'avoue, j'accuse le coup. T'as été remonté ce week-end? Ben, il est pareil. Non, je pense pas que j'étais remonté. Ah, si, attends. Sur Facebook, on a vu que ça. T'as avec ta mine. T'as joyeux, ouais. Non, franchement, je. C'est pas sa mine que t'as vu, hein, c'était ses fesses. J'en ai pris plein les mirettes. Franchement, je pensais pas que c'était. C'est grandiose. Ouais, bah donc. Ouais. Et tu nous parles de. Bah oui, il y avait l'American Tour Festival à Tours. Tu nous en parleras évidemment. Grandiose. Bien évidemment. Ouais. Tu nous parleras de cet événement, un festival qu'on connaît pas trop forcément dans la région. Non, c'est vrai. Qui ressemble un peu au Béthune Rétro, hein. Je sais pas. Non. D'accord. Non. Non, pas vraiment. Non. Tu vois le Béthune Rétro? Ouais, bah c'est pas ça. c'est exactement. Non, il y a pas le côté 50s, il y a pas toutes les bagnoles, il y a énormément de motos perte de vue. C'est. Mais bon, c'est axé sur la musique country, donc. Ouais, la thématique c'est l'Amérique et la country, ouais. Ouais, bah ouais, tu nous raconteras ça bien évidemment. Il y a aussi Canon, hein, aussi, il va nous parler de son week-end, un week-end absolument aussi bien sympathique. Oui, c'était bien sympa. Bien chargé artistiquement. J'ai chargé artistiquement. Oui. Voilà, absolument. Et il faudra que tu nous en parles aussi également. Nous sommes aussi avec le grand, l'inimitable. Le monsieur t-shirt de la radio qui a toujours un t-shirt original, et là pour le coup on peut pas en parler parce qu'on va faire de la pub pour Coca-Cola, donc on n'en parle pas. Non, surtout pas Coca-Cola, on va avoir des problèmes. Salut Sherlock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et à tous dans le studio, mais à toutes dans la radio. Compris. Ah bah oui, je me doute. À toutes dans la radio. T'es caille des mecs, ma poule. Hein. Ouais, non, mais dans la radio. Ouais, il y a Onissa qui nous écoute déjà. Ouais. Donc, Toi, t'es un mec, tu parles à l'univers, toi, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu dois parler avec l'univers, toi. Moi, je fais les câlins aux arbres. Moi aussi, quand je suis tout seul depuis 2 ans. C'est ça. Non, c'est ça. Alors, chronique, évidemment, ce soir. Oui, bien sûr. Alors, la deuxième partie des covers que j'ai commencé la semaine dernière. Oui, ouais, très donc bien. C'est les chansons des années 80 qui étaient en fait des reprises de titres plus anciens. Je finirai la semaine prochaine avec les covers où là ce sera les chansons plus récentes qui ont repris sur les années 80. D'accord. Et les sorties ciné aussi. Et les sorties ciné, c'est ça, 22h. Voilà. Et moi je vous ferai une chronique sur Candy. Ah ben c'est très bien, en parlant de Candy. Donc c'est vrai qu'on embrasse aussi Onissa, notre Candy, notre voix féminine en fait, qui est souffrante, rien de méchant, mais c'était pas le jour aujourd'hui, donc on te fait de gros bisous, on espère que tu prends tes petits cataplasmes, mets bien tes bas de contention surtout, parce que... Son trajet futur, faut pas qu'elle brille. C'est Varys, ça, ouais. Voilà. Et tes problèmes de diarrhée, ne t'inquiète pas, ça va passer. Voilà. Mais t'inquiète, on sait que ça cicatrise aussi. Mais oui, s'il faut, on peut la mettre en relation avec Pascal, lui il a l'habitude aussi. C'est un cicatriseur. Non, mais il a eu l'habitude pour l'écoulement. Voilà, Onissa, paraît... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Onissa nous, voilà, nous envoie quand même par texto enfoiré. Derrière. Enfoiré. Ah, bah merci, merci. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir. Tu nous j'ai rien dit, Onissa. Tu nous avais dit d'être sauf, de ne pas parler de tes fuites urinaires. Tes, voilà, voilà, donc on n'en a pas parlé. C'est pas comme si des gens nous écoutaient. Non. Voilà. Non. Donc. Pauvre Onissa. T'avais qu'à être là. Voilà. J'avais qu'à être là. Voilà. Non, Onissa. Oui. Pas ah toi. Oui, d'accord, merde. Toi, t'es là, je te rappelle. Ça y est, je vous fais un dédoublement de personnalité. Ouais. Ouais, en ce moment, Onissa n'est pas là, il prend sa place en même temps. En ce moment, je me parle. Bah ouais, ouais, comme Dieu. Comme... Non, non, non, non, Dieu. Oh. Appelez-moi l'homme. Oh. Ouais, je me rappelle. Quand, quand il imite Chirac, j'adore. Ouais. Je me rappelle, c'était hein, en 1980. Imbécile. C'est pas Chirac. Toi, quand tu fais tu fais la grosse. Non, c'est Mitterrand. Ouais, mais non, mais c'est pour l'embêter. Ah oui. Ah, ok, ouais. Philippe Cat, il marche pas, il court. Ouais, ouais, ok, ça, j'ai. Bon. Vu ce qu'il a pris ce week-end, c'est même assez surprenant qu'il court. Ah, tu veux dire, vu ce que j'ai donné ce week-end. Oh, c'est beau. Ah, bah, ce week-end, on a réussi à tester. Moi, j'ai testé quand même. J'aime bien de temps en temps balancer une rumeur et je fais un petit coucou à l'une des dauphines. De Miss Waterloo, où j'ai balancé une rumeur sur Canon. Ah oui, elle l'a cru, j'étais mort de rire. Il a fait un truc, on pourra en parler. Ouais, on pourra d'accord, en parler. Mais hors antenne. Oh non, même à l'antenne, mais on. Ouais. Si, c'est rigolo. Oui, mais ça m'a fait rire parce qu'elle avait de la peine pour toi. On citera pas de nom, mais c'est super rigolo. Oui. Voilà, mais ouais, c'était, il l'a emmené dans un truc vis-à-vis de moi, c'est excellent. C'est excellent. Elle a marché au départ. Ah ouais, carrément. Elle a eu de la peine pour toi. Et on vous racontera l'anecdote. Ça marche. Bon, bah, on va faire une petite coupure musicale. Oui, circoncision. Alors, sans transition. Ouais. Une punaise. Dis pas que t'as essayé d'imiter PPDA, alors, parce que là, c'est mal. Là, c'est très mal. Ouais, ouais, je sais, j'ai jamais réussi celui-là. Sans transition. Ouais, non, c'est pas encore ça. Ça fait plutôt One Sinclair, là, mais... Ouais, ouais, plutôt. D'accord. Bon, bah, je vais essayer autre chose. Non, c'est pas grave. Mais tu peux dire sans transition, sans prendre d'accent ou quoi que ce soit. C'est vrai. Tu peux le faire normalement. Donc, sans transition... Et là, tu vois, ça fait plus PPDA. Il est fou, lui. Tu sais, mets-nous la musique. Ouais, voilà, ouais, voilà. Sans transition. Alors, c'est un titre qui va plaire à Canon. Oui. Mais qui va déplaire à Flipkat. Ah. C'est Jesse Garonne. Ah. Avec nous deux. Ah, j'adore. Oh putain. Ah bah, tu vois, j'adore. Nous deux. Là, ça va me casser mon week-end. Et voilà, tu vois. Nous deux, toi et donc moi. Là, c'est ton week-end défini, tu reviens sur Terre, là, direct. Ah ouais, tu reviens la réalité. Là. J'adore quand Harry chante, donc on vous rassure, on a la version originale. Ouais. Ah, mais j'adore, franchement, j'adore cette chanson. Et ensuite, on reviendra avec Cool and the Gang et Cherish. Ouais, parce que c'est le début des vacances. Les petites mouettes au début de, au début de la chanson, c'est qui chie, c'est ça, une sur la gueule. C'est ça. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Nous deux, un seul cœur, un seul rêve, un seul feu. Nous deux, toi et moi, près du même feu. Je quand je suis avec toi, que jamais je ne te laisserai. Et je voudrais te dire, je t'aime. Ce soleil dans tes yeux est à moi. Nous deux. un seul cœur, un seul rêve, un seul vœu. Nous deux, nous deux, toi et moi, près du même feu. Musique. Je savais tout au fond de moi. Et je voudrais te dire quand même, c'est banal, oui, mais je n'aime que toi. Un seul rêve, un seul feu. Nous deux, nous deux. Toi et moi, nous vivons. Salut, c'est Sherlock et vous êtes toujours sur RQC dans 80 à l'heure. Il hésite. Ben ouais. Ouais, c'était Sherlock d'RTL, donc maintenant on va revenir aux émissions sérieuses. Hein. Voilà, on vous rappelle que vous pouvez toujours passer sur la page 80 à l'heure, parce qu'on ne parle pas de Facebook en ce moment, c'est les vacances, c'est vrai, tout oui, le monde s'en charpente. Donc voilà, page 80 à l'heure sur Facebook, et puis bah, vous lâchez vos coms, et puis qu'est-ce que vous faites de beau de vos vacances? Envoyez-nous des cartes postales, on veut un selfie. Vous êtes sur la plage, là, vous nous envoyez un selfie. Ouais, à moitié nu. Voilà, vous êtes, voilà, vous êtes nu, vous êtes comme Sherlock en train de parler à l'univers, vous nous envoyez un selfie, non je déconne, hein, donc... Puisque lui, il se reproduit sur les arbres de la forêt. Donc, oui, c'est vrai, Balou. Il faudra que tu nous expliques ça un peu. Alors, comment tu fais pour te reproduire avec les arbres, Sherlock? Il y a toujours des arbres un peu creux, des fois. C'est toi, hier, je me baladais, j'entendais « Il en faut trop pour être heureux ». Tu marques ton territoire, en fait. C'est ça, oui. Ok. Mais je me frotte contre un arbre, comme ça, « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux ». Ouais. Voilà, c'est moi. Mais franchement, t'es le roi de l'imitation, je te promets. Tu fais bien l'arbre. Bah, hey, merci, justement, ça me touche. Tu parlais justement de... je parlais de marquer de son territoire. Notre ami Canon a marqué son territoire samedi soir. Et ouais, comme ah, oui, quelque sympa. Part. C'était il sympa. A fait une belle date. Tu peux nous raconter parce que tu t'es retrouvé quand même... Donc le 8, oui, samedi, la fête du Toubac. Ouais. Voilà, donc il y avait une scène ouverte. Et puis on m'avait demandé... Alors c'était pour une... il y a tous les échevins, tout un ensemble en fait, d'élus et tout ça qui se sont mobilisés pour une petite fille, en fait, et atteinte de mucoviscidose. Je tairai le nom, le prénom. Enfin voilà, ça n'a pas d'importance. Les parents étaient là et puis les gens se sont vraiment mobilisés vraiment. J'ai été surpris parce que je m'attendais à chanter sympathiquement comme ça dans une ambiance un peu baloche festive. Il y a eu du monde, c'était vraiment blindé, les gens ont vraiment joué le jeu. Il y avait une tombola où bon voilà, c'était à 2 euros là, c'était pas 10 centimes, c'était 2 euros le truc. Les gens ont vraiment joué le jeu pour l'association. Le père s'est exprimé et après j'ai pu lancer pendant 2 heures un show un peu années 80, Dépêche Mode, où je me dis, ça, sans prétention, je pense que ça va plaire. J'étais vraiment en voix, j'étais vraiment en forme. Enfin. Enfin. J'ai chanté juste, enfin. Et non, il y avait surtout des gens adorables. Il y avait la rétro fanfare de Waterloo qui était là aussi. Salut, évidemment. Voilà, si on nous écoute aussi, il y avait Valérie, elle se reconnaîtra. Il y avait aussi des fans de Fabrizio Zeva, parce que Fabrizio est passé, mais il n'a pas pu chanter. Parce que là, il est en train de préparer son album, et puis il avait chanté 3 sets complets depuis 3 jours. Ouais. Je lui ai demandé de venir chanter avec moi, mais a fait le plaisir de venir. Il y a d'autres personnes aussi, c'était vraiment très très sympa et on s'est éclaté et j'ai eu que des retours positifs. Je suis dans une phase où c'était pas je me disais il faut vraiment assurer et les gens l'ont bien et heureusement, c'était super. C'était des retours positifs parce que tu chantes. Si t'avais parlé, là, peut-être que les retours positifs auraient été moindres. Non, c'est sûr. Il y a Onissa, je t'adore, qui me dit, je te confirme, t'étais très en forme. Je sais pas. Ne commente pas en public. Mais en tout cas, moi, j'étais pas écouté, mais je t'ai entendu. J'étais pas très loin. En plus, c'est vrai, je n'étais vraiment pas très loin. Ouais. Et je t'entendais en fait. J'envoyais du bois. J'entendais de la terrasse. Je regrettais un peu, mais bon, pour des raisons un peu personnelles, je suis pas venu. Mais je me rattraperai évidemment, puisque de toute façon, tu as une date qui est prévue au mois de septembre. Ouais, alors une très belle date, c'est pas ma date, mais on peut se le dire, ça va vraiment arracher le 29 septembre à Seclin, avec donc pour une association aussi sur la mucoviscidose, mais c'est du 400-500 personnes, ça va être blindé, ça va être vraiment blindé. Il y a Véro Solo, que je vous présenterai, que vous connaissez certainement comme ça. Ah oui, il faut la faire venir évidemment. Qui est donc une personne vraiment, une chanteuse assez exceptionnelle. On se fréquente et on se côtoie et on se pratique vocalement très très souvent. Et on se fait vraiment plaisir à deux. Et elle m'a dit, écoute, si elle m'entend, elle le sait. Elle assure la scène et tout ça, mais elle dit, toi tu chantes, t'envoies aussi, t'es plutôt showman. Donc je vais mettre sans micro, avec un micro casque et tout, et je vais foutre le feu dans la salle. Donc on va être à deux, puisque la scène est quand même grande, il y a quand même du monde. Et on va être à deux. Donc il y aura Il y aura une quinzaine de duos, il y aura chacun une trentaine solo. Moi, je vais en faire une quinzaine. Et puis, c'est une très très belle salle. C'est le 29 septembre à Seclin. On aura le temps d'en reparler. Oui, parce que je ferai venir certainement la présidente de l'association pour qu'on Sarah Briseur, pour qu'elle puisse venir en parler. Parce que c'est un événement qui est fait tous les ans et qui fédère vraiment du beau monde. Il y a vraiment des artistes qui participent. Et voilà, à titre gratuit, c'est clair. C'est vraiment pour la petite et pour la mucoviscidose. D'accord. Je l'ai fait en Bretagne. C'est une association. Contre la mucoviscidose. Non, en fait, j'ai découvert, pour la petite histoire, je n'ai jamais dit, parce que je suis, je rentrerai pas dans les détails pourquoi la mucoviscidose. J'étais concerné à titre personnel, enfin, pas moi, mais à titre personnel, il y a 10 ans de ça en Bretagne, et donc je fais partie de l'association, non pas active de la mucoviscidose, mais j'interviens toujours en tant que chanteur et tout ça, gratuit, comme Véro Solo et tout ça. Voilà, on y va en tant qu'artiste pour qu'on récolte des fonds pour les gamins. Bah écoute, c'est tout voilà. Un honneur. Mais voilà, on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler d'ici là, d'ici le mois de septembre, bien évidemment. Il y aura aussi une date à retenir, mais ça, je pense que c'est plus fin octobre, début novembre. Pour vrai. Bah, on te retrouvera aussi à Waterloo. On me retrouvera aussi à Waterloo. Voilà, aussi sur, à Waterloo. Voilà. Avec Véro Solo. Avec Véro Solo. Voilà. Donc, alors, par contre, j'ai pas la date en tête, mais je reparlerai. Je sais plus, c'est pour les. Voilà. Et puis, voilà. On aura aussi un grand spectacle de troupes Évasion. Aussi. J'espère que c'est pas la même date, au fait. Non, c'est la même salle. Ça va être. Oui, donc, c'est ça sera un peu gênant. C'est vrai. Donc, vous me verrez deux fois, 14h. Donc, non, on vous en parlera. Ouais, bien sûr, évidemment. Alors. Bah écoute, on va continuer en musique, oui, Sherlock. Ça marche. Bah alors avec. Alors tu prends quel. Tu vas imiter qui là? Oh ben, je vais prendre Casimir. Ouais, mais là si tu fais tellement bien. Bah oui, mais c'est parce que j'ai vu Onissa qui voulait Casimir. Donc, ah bah ok, ouais, alors, je vais faire plaisir. Vas-y. Alors qu'est-ce que tu veux nous passer après Jesse Marone là? Alors après Jesse Marone, je vais vous passer les charts. Alors les charts, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier groupe d'un artiste que Canon adore. Bien sûr, évidemment. C'est Calogero. Et ouais. Absolument. Ouais, je vais reprendre ma voix normale. Ouais. Calogero, qui à l'époque se faisait appeler Charlie. Ouais. Absolument. Et son frère était Jackie. Rien à voir avec Jackie Michel. Michel. Non, parce que bah, lui s'appelle Calogero, son frère c'est Giacomo. Et donc Giacomo, c'est Jackie, voilà. Ouais. Mais vous voulez que je vous ai déjà raconté cette anecdote sur Calogero? Vas-y, dis, je sais pas. Eh bien, Calogero s'est produit sur la place de Lille, il y a quelques années maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années, je pense, avec en première partie Kyo. Oui. Et donc, il se produisait, c'était le fameux Podium Ricard. C'était Calogero qui se produisait. Et il y avait une radio concurrente qui organisait un concours pour gagner donc un apéritif en VIP avec Calogero. Une radio avec une panthère dessus, c'est pas ça? Absolument. Oui, absolument. Absolument. Ah, ouais, c'est ça. Et bah, j'ai participé au jeu, j'ai gagné. Et donc, j'ai eu l'occasion donc, d'aller donc à l'apéro. En disant Calogero, je partage pas ma tête. Non, c'est que je suis pas allé au bon endroit. C'est pas vrai. Si, alors je frappe à la porte, à la bourse. À la bourse, et puis rien, personne. Donc, je téléphone, la bonne femme me répond pas. Rien du tout. Et au bout d'un moment, elle me rappelle en disant, on vous a attendu. Mais maintenant, c'est fini. Ah, ok. Bon, je suis arrivé quand même à l'endroit où il y avait l'apéro, mais Calogero n'était plus là. Il y avait encore à boire. Ouais, donc, bon, j'ai croisé Kyo, le groupe Kyo quand même, à l'époque. Et puis, voilà. Mais j'ai loupé. Alors, est-ce qu'ils sont sympas, les Kyo? Je suis pas fan du tout. Donc, ouais, ils sont sympas, ouais, très accessibles. Mais bon, Kyo, voilà, on voit ce que ça a donné. Ça a été un groupe qui n'a marché qu'un an ou deux. Après, aujourd'hui, on n'entend plus parler. Ils sont revenus il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et c'est vrai que depuis, on n'en entend plus encore parler. Donc, ils vont peut-être revenir, parce que c'est ce qu'ils font un petit peu tout le temps. Ils ont fait leur premier album, les deux premiers albums. Le premier est passé complètement inaperçu. Mm-hmm. Ils ont été connus plus avec le deuxième. Ensuite, ils se sont séparés. Ils sont revenus 3-4 ans plus tard avec un autre album qui a bien fonctionné aussi. Ils se sont reséparés et ils sont revenus il y a quoi, peut-être 2-3 ans. Ah oui, c'est vrai. Où ils ont ressorti un album. Il y avait un single qui avait super bien marché d'ailleurs. Ouais. Qui s'appelait Oui, évidemment. Oui, ouais. Je reviens plus c'est sur juste maintenant. Un terme. C'est ouais, je reviens plus sur le Graal. Mais c'est ça, le Graal. Le Graal, oui, ah, oui effectivement. Ça me parle, ça. Non, oui, non, le Graal, c'est bon, ça, le Graal, oui, ça me parle. Très bien fonctionné, ouais. T'as raison. C'est vrai. Oui, j'avoue que il y a 2-3 ans, ils ouais, sont c'est ça. Et depuis, on n'en entend plus parler. Donc, ils se sont peut-être reséparés. Ils vont peut-être revenir encore dans quelques années en se reformant et ressortant un album qui va sûrement peut-être même refonctionner encore. Qui sait, bien sûr. Mais apparemment, c'est leur, je sais pas, c'est ça doit être leur mode de fonctionnement. Ils font un album, ils se séparent. Alors, ils font peut-être après des trucs de chacun de leur côté. Je sais que le chanteur, c'est Benoît, je crois. Lui avait participé à un autre groupe encore collectif métissé non je reviens plus sur le nom, mais c'était un groupe qui avait aussi fonctionné en radio et puis après voilà quoi, ils se reforment, bon ils ont chacun leur projet de leur côté, après ils reviennent quoi. Le Graal, ce qui est marrant quand tu retournes, il est marqué auteur compositeur Jésus Charpentier. Il fallait que je la fasse. Voilà. Ça va, Fulcat? On dit bonjour. Ouais. Il gère son fan club. Ouais. Bah oui, non, mais ni plus ni moins, tu crois pas si bien faire. Tu sais, c'est un peu comme dans les émissions M6, on devrait mettre une caméra sur lui. Oui, nous avons un message en direct. Non, mais tu crois pas si bien dire, c'est exactement ça. C'est vrai? Ouais, bah, sur la page de 80 à l'heure. C'est vrai? C'est beau. Bon, alors, musicalement parlant, je disais donc les Charts avec Je m'envole, ah oui, donc qui était leur premier titre en 89, parce qu'ils ont commencé dans les années 80, et ensuite Nena avec Nine und 90 Luftballons. Voilà, ouais, j'arrivais pas à dire le 99, contre, donc tu... c'est Nine und 90. Par contre, il y a Calogero là qui joue, c'est le bassiste. Oui, il est bassiste. C'est le bassiste, donc normal. Et qui chante? Calogero. Il chante dedans. Ah oui, tu reconnais sa voix, évidemment. Bah, je sais, maintenant que tu me le dis, j'avais entendu en diagonale un jour qu'il avait fait partie, mais je crois qu'il était musicophone. Parce que j'y connais rien à la basse, mais il tient. C'est incroyable de voir un mec jouer là, de la basse comme ça. Il n'y a aucun doute, tu vas reconnaître sa voix. D'accord. Il joue avec une basse réplique de Paul McCartney. D'accord, si tu me le dis, ouais, je suis pas bon. C'est une basse version un peu violon, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Façon un peu violon, c'est la basse de Calogero. Bon, okay. Écoutons la basse. Ouais. Allez, bah, c'est parti, on s'écoute ça. Il en faut. Je veux comprendre pourquoi. Bonsoir, vous êtes avec Pogo sur Radio RQC 80 à l'heure. Il y a de ça. C'était beau, hein. Ah ouais, moi j'adorais. Si, si, il y a devenir Cheyenne dans le... Ouais. Ah oui, oui, oui, bien sûr, mais c'est pas... devenir Cheyenne... Bon, on peut écouter juste la lune. Ah bah oui, évidemment. Ça date pas les années 80, par contre, attention. Non. Hein. Ah ouais, on est un peu plus tard, là, quand même. Alors oui, c'est un peu plus tard, mais bah, je vais expliquer un peu pourquoi le jingle, hein. C'est juste qu'on a rencontré les Powo, donc ah ouais, lors de la tournée Top 50, ouais, ouais, ouais, bien sûr. Ah, cool. Et apparemment, t'étais méché, mais eux l'étaient plus que toi, je pense. Hein, déjà. Non, je crois pas, non, certainement pas. Bah, alors là, mais non, je, mais je connais très mal. Bah, mais je sais très bien. Bah, oui. Mais eux, par contre, l'étaient peut-être un peu plus que toi, vu. À un moment, ils étaient bien joyeux. Oui, donc, c'est vrai. C'est tous les Cheyennes sont méchés. On a supposé que. Mais voilà, donc on leur a demandé de nous faire un petit jingle, ce qu'ils ont fait. Avec une grande sympathie. C'est vrai. Et on leur a demandé sur quelle chanson ils voulaient qu'on lance le jingle, et ils nous ont dit devenir Cheyenne. Ouais. Ouais. Voilà. C'est une belle chanson, hein. Oui. Ouais. C'est une belle chanson. C'est pas celle que je préfère. J'avais leur album. Ah, c'est pas plein, les trois commerciales, voyez. Ouais. Il y en a. Il y a des reprises, quelques reprises aussi qui sont sympas. Ouais. Il faut les voir sur scène. J'aime pas quand j'ai des trous de mémoire. Il y avait Aiko Aiko ou Louis. Ah oui, Louis. Ah oui. Ahmed. Bien sûr. Là, ah, j'ai une voix. Ahmed sort sa voix. Là, il y a les. Alors Ahmed Mouissi qui faisait partie de Powo. Ben, il fait encore partie, mais là il est sur un projet solo. C'est blues. Ouais, un peu blues solo, ou jazz, je crois, en solo. Donc là, il n'était pas là lors de la tournée. Il avait été remplacé par l'une des sœurs natives. Ah oui, c'est vrai. Donc, qui, elle, faisait la voix forcément la plus aiguë. L'une des sœurs natives, qui est la meuf d'Alain Chenevière. Oui. Et Alain Chenevière, qui avait parti avant, puisqu'on en parlait d'un... Alligator. Oui, les Alligators. Ouais. Absolument. Donc, c'était aussi rockabilly, là, on est d'accord. Absolument, hein. Complètement, ouais. Ah, ouais. Et ouais, probablement ouais. Même un des meilleurs groupes de rockabilly français, puisqu'ils chantent en français. Je fais toujours référence, puisque vous me cassez toujours les burnes avec les forbans. Non, non, non, mais non, il a, non, il non, a dit burnes. Ouais, ouais, je vais essayer de rester positif. Ah, content de te revoir. Ouais, ouais, ouais, absolument. Et aussi, non, non, mais ils ont leur heure de gloire. J'en parle encore ce week-end, puisque j'étais avec le batteur d'un autre groupe moins connu, hein, qui était sur un label France aussi, qui connaît très bien Chenevière. Et on en parlait, c'est vrai que c'est quand même un groupe qui a... Par rapport à ce que nous on écoute, me laisser une belle empreinte. D'accord. Je l'ai servi, moi, il y a une bonne dizaine d'années à l'Olympia. Les Alligators ? Non, le Chenevière, tout ça, qui était venu voir. C'était Brian Setzer à l'Olympia. Il y avait Guy Mitchell qui était au balcon. D'accord. Ouais, ouais, non, j'ai vu De Cohn aussi. Ouais. Ça, on en voit tout le temps. Hein. Ça, on en voit partout. Non, mais lui, il avait de bonnes raisons d'être là. Harry et moi, on en a vu samedi. Ah ouais, c'est De Cohn. De Cohn, nous, ça nous arrive. De Cohn, oui, enfin De Cohn, oui, bien sûr. Ouais. Je ne l'ai pas pesé, mais. Bon, enfin, film 4. Bon, alors, ton sens humoristique, il n'est pas éveillé là tout d'un coup? Mais non, je sais pas ce qui se passe. Bah non, je sais pas. Attends, comprends. Non, à mon avis, c'est les restes de ce week-end. Bah oui, justement, parlons-en de ce week-end. Parce que tu nous as fait un festival du Feu de Dieu avec en première partie ZZ Top. Enfin, en début de festival. Ouais, c'était les têtes d'affiche, puisqu'il y avait ZZ Top, Les Insus et Brian Setzer. Mm-hmm. Et très franchement, ouais, je me demandais un petit peu parce que ma Billy Gibbons avait subi une intervention. Il s'est rasé. Non, vous allez vite. Et les mecs, vous allez vite. On parle de quoi et où? Ah bah oui, justement. Ah oui, on parle de quoi et où? Bah, non, parce qu'on va parler. Oui, on va vite. C'est vrai. Parce qu'on en parlait. On l'avait évoqué en début d'émission. Le festival, donc l'American Tour Festival. Ouais. À Tours, puisque c'est la troisième édition. Et franchement, je suis tombé sous le cul. Il y a pas d'autre mot à dire. Question organisation, c'est gigantesque. C'est plus grand que je ne pensais. C'est ouais, bien, il y a rien à redire, franchement, c'est top. Et donc, en parlant top, j'ai vu ZZ Top. J'ai été bien placé au premier rang. Ça donne quoi? C'est puissant. Ouais. C'est plus puissant que jamais. Toujours égal à eux-mêmes, ils n'ont plus rien à prouver. C'est carré, c'est nickel, c'est la classe en plus avec leur accoutrement, puisqu'ils sont toujours appareillés, même au niveau des guitares. Le costard, le chapeau. Ils sont combien alors, la formation? Ils sont que trois. D'accord, donc il y a deux barbus. Il y a le Frank Beard, le seul barbu. Ouais. Le seul qui n'est pas barbu, pardon. Alors qu'il s'appelle Beard. Oui, Beard. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais porté les deux. Il a qu'un petit bouc en fait. Ouais. Dusty le bassiste, et Bill Gibbons, qui a 67 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, franchement. J'ai jamais vu des. Ouais, franchement, c'est. On voit acoustiquement, Etienne. Ah ouais, c'est puissant. Les infrabasses, j'avais mon jean, on aurait dit que je me prenais des rafales de vent dans les pattes, tellement ça poussait. Et j'ai jamais vu des. C'est quelque chose qui nous a impressionné, c'est la façon de terminer leur morceau. Comme si on coupait le son brutalement. Ouais. Aussi bien guitare basse que le guitariste lui-même. C'est franchement, c'est coupé bien net. Et c'est ce que j'aime, c'est le. Ils sont synchro, c'est des échanges de regards et tout, ils caressent, et franchement, ouais. Ouais, et puis tant qu'ils se connaissent, depuis quand, ZZ Top? Ah bah ça a commencé en 74 avec Lagrange, hein. Oui. Ah bah voilà. Et même 71, ils ont commencé, oui. À l'époque, vous n'avez pas de barbe, d'ailleurs. Tiens, ils sont forts, je disais hors antenne, je les avais écoutés ici, il y a 4 ans, en regardant sur Netflix un truc, et je me suis dit, j'écoute, je vous le disais, 2-3 minutes, c'est pas... ZZ Top, j'adore, mais c'est pas mon truc comme ça de suivre. Et je suis resté pendant 1h40, bon, c'était en HD, super, mais la musique, ça tapait, et c'est vrai qu'ils sont carrés. C'est vrai que les mecs, ils sont deux guitaristes et un batteur, ils sont trois. T'as l'impression d'avoir un concert de 10, non mais les musiques, les trucs, ça chien, quoi. C'est d'une puissance. Ouais. Et ils arrivent à faire, bon, ils vont évidemment les instruments et le truc derrière qui suit, mais ils arrivent à changer les sonorités d'instruments très très vite à la pédale. Et ce qui fait que t'es toujours, ça m'avait surpris, t'as l'impression d'avoir 4-5 guitaristes avec derrière un orchestre, le batteur à lui tout seul. On a l'impression qu'il y a des percus et un batteur. Ça tient vraiment, quoi. Et moi, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis, sans les avoir vus là, voilà, je les vois aujourd'hui, j'irai les écouter. Je savais qu'ils étaient là, mais bon, ça faisait loin. Et même ce qu'il faut savoir, c'est que sur un ou deux morceaux, le bassiste décroche, je joue pas de sa basse et joue du clavier. D'accord. Ouais. Du clavier électronique. Ouais. Du Moog. Moi, je sais pas. Ça, c'est peut-être du DX7. Non, c'est un motif FX avec lequel il joue. Écoute, je te montrerai quelques bleus. Il joue avec un Et corps, sérieux, que... j'ai pensé à toi quand il s'est mis au clavier. Il joue, je te jure. Je vous le dis, il joue avec un Korg Triton et un motif Yamaha motif FX. Oui, bien sûr. Effectivement, il était marqué Yamaha dessus. Bien sûr, motif FX. Donc, ça d'entrée, il y avait les insus. Bon, moi, je suis pas allé voir. Alors, t'as pas été voir les insus ? Non, parce que c'est pas ma tasse de thé, tu le sais, c'est bon, rock français. Non, téléphone, quoi, c'est le fond. Oui, c'est mais téléphone. Même téléphone, j'ai jamais aimé, j'étais. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Je le dis, j'ai pas dit que c'était nul, attention. C'est que je trouvais, moi, personnellement, dans un festival qui est à la base basé sur la culture américaine et notamment la country, on avait même, sans être méchant, on les avait qualifiés dans nos commentaires d'intrus. Voilà, parce que quand on voit le public qui vient là, c'est un public dans lequel nous, enfin quand je dis nous, mes potes et moi, on a l'habitude d'évoluer, mieux bikers, des gens très stylés country ou aussi rockers, donc voilà, et suivi du dimanche, dernière tête d'affiche, etc. Avec, j'ai vu un américain lui au fait. Si. Ah pardon. Oui. Ah ouais, ok, c'est Street Cats. Oui, Non, il n'existe plus. Et il est question d'une reformation pour 2018, parce que bon, il y a toujours des demandes, et comme il dit, pendant qu'on a encore la pêche, mais très franchement, lui aussi, à 60 balais, il assure, quoi. Là, c'était un trio, tantôt avec un quatrième qui jouait tantôt la guitare rythmique et du clavier, avec quelques reprises, les grands standards des Stray Cats, évidemment, Runaway Boys. J'étais impressionné, franchement, il faut voir la réaction des gens dès la première note, c'est... C'est un standard, c'est vrai que surtout à cette époque, il n'y avait plus de rock. C'était 81, c'est eux qui ont redémarré la machine rockabilly. Tu vas me dire, mais le rock était devenu une niche tout à fait. Initiée et il avait des soirées. C'est vrai que les Stray Cats, ils avaient redonné ce côté où moi j'ai écouté les Stray Cats, je redécouvrais rock puisque c'était mes parents plutôt. Et moi j'aimais bien, en fait, ça m'a réconcilié. Novembre 80, c'était pas mal. Quand j'ai vu la première fois que j'ai entendu à la télé et avec la vidéo Runaway Boys, c'était la révélation, je dis c'est. Et voilà, c'est eux qui relancent la machine, parce que comme le disait très justement Canon, c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait plus que de rockabilly ou rock'n'roll revival. Donc des groupes qui avaient mal vieilli encore de ce qu'on pouvait trouver aux États-Unis, mais qui passaient très mal. J'avais vu, évidemment, on a eu le droit à une première partie, un groupe anglais, franchement, je ne connaissais pas, Vintage Trouble. Et pour ceux qui aiment Vintage, comment tu dis ? Vintage Trouble. Trouble. Comme problème. Ouais. Ah, okay. Et très franchement, le mec. C'est problème à l'ancienne, c'est beau, Vintage Trouble. C'est un mélange. Alors déjà au niveau de la musique, c'est soul, funky, mais funky originel. Et très franchement, le mec, un showman, m'a fait penser à du James Brown. C'était phénoménal. Ah franchement, ouais. Le gars, jusqu'à se faire pratiquement, il se met debout sur la barrière, jeté dans la foule, transporté, aller chanter avec un micro, donc sans fil, passer parmi la foule. Donc je pense qu'ils ont impressionné, se sont fait remarquer. Non, franchement, c'était trois jours. Vintage Trouble. Ouais. Okay. J'ai une vidéo éventuellement, si vous voulez, charmée. Il faut la mettre sur notre page. Très Soul Music, et franchement. Vas-y, partage-la, évidemment. Ouais. Je vous ai pas dit, il y a deux mois, sur Paris, j'ai vu tout près du métro, un mec qui dansait, il avait 74 ans. Et le mec, c'est un ancien danseur des ballets du Bolshoï. Imaginez le niveau, d'accord ? Ouais. Le mec, 74 ans. Tu sais, quand les danseurs tournent sur eux, là, en dansant sur une... il fait 8 tours, il tombe en écart, il revient. C'est ce que je veux dire par rapport à l'âge. C'est le mec, il a tellement travaillé. Et non, mais justement, c'est ça, c'est la preuve. Le mec doit se dire, je sais plus rien faire. Quand tu vois le niveau, le truc, c'est formidable. Regarde les concerts d'Aznavour avec ses chorégraphies. Moi, quand je le vois, j'en tremble. Non, mais très franchement, c'est vrai, t'as raison, parce que la comparaison sera peut-être pas sucieuse, mais on avait parlé du show Les Vieilles Canailles. Ouais. J'ai eu deux fois le même écho qui m'est revenu au niveau de la prestation. Bon, il paraît que c'était pas terrible. On les voit pas vieillir. J'ai une amie, une collègue qui, son mari lui avait payé une place. Ouais. Elle a été fortement marquée. C'est comment dire, de voir Dutron, mais vraiment, il m'a donné l'impression de sa façon de se tenir, de marcher, courbé comme un vieillard, et avec le froc bien remonté, quoi, en fait. Mais je pense qu'il a toujours été comme ça, en fait. Oui. On m'a dit que même quand il était jeune, c'était vraiment genre Jean Foutiste. Alors, je sais pas quel âge il a, Dutron, mais aujourd'hui. Oh, il est dans la 70 voilà. ans. Hein, mais compartiment, quand tu vois des mecs qui font de la scène rock, rien qu'à toi, même Dusty, bon, il est Sprat, maintenant. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui vieillissent bien, quoi. Ouais, mais je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Merci. Comparer ce qui est comparable. À mon avis, Dutron n'a pas le même entraînement que des chanteurs très probablement. ZZ Top. Ouais. Voilà, Dutron, il se laisse un peu vivre. Ça fait longtemps qu'il a plus rien fait depuis son dernier album au Casino de Paris. Ouais. On en a parlé. En live, avec un copain, il a plus rien fait. Ouais. Donc, je crois qu'il s'est fait plaisir. Il a rejoint Eddie et Johnny pour faire le concert. Probablement. Bon, je pense. Alors que Eddie et Johnny, ils ont encore de l'entraînement. Enfin, je veux dire, ils ont du. Ouais. Ah, je pense. Hein. Et petite précision pour ceux qui s'intéressent justement, parce que je sais qu'il y a beaucoup dans nos auditeurs, il y a beaucoup d'amateurs de ZZ Top. Je le rappelle, ils passent à Valenciennes, Petite Forêt. Ouais. Dimanche, il reste encore des places. Puisque c'est un magnifique. Petite Forêt. Oui. C'est bizarre qu'il reste des places. C'est un festival. Ah, hein, c'est impressionnant avec les ZZ Top. Et d'ailleurs, leur horaire de passage m'interpelle un peu parce qu'ils passent à midi. Quoi. Ah ouais? J'aurais vu ça. Oups. Ouais. Un dimanche? Un dimanche, ouais. C'est le 16, c'est dimanche, hein, c'est ça? On est le 16? Ouais. Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16, ouais. Voilà. Et reste quelques places parce que j'envisageais d'aller les revoir, du coup, parce que j'ai pas été déçu, franchement. Bon, dans les titres, pas de grande surprise. Ils ont repris quelques grands standards du rock que nous on connaît. Mm-hmm. Pas de nouveaux titres, donc à mon avis, il n'y a pas de nouvel album en vue. D'accord. Parce que c'est toujours à ce moment-là qu'on se dit, tiens, on va écouter. Oui. Parfois, balancer un ou deux titres où ils nous disent voilà une nouvelle chanson, et là ça laisse présager la sortie de nouvel album, donc rien. Non. Ok. Mais bon, aucune déception. Donc rappelle-moi un peu l'événement, ça s'appelle ? C'est l'American Tour Festival, l'ATF. Donc l'ATF. C'est grandiose et. Très franchement, c'est indescriptible. Ouais. Et du coup, t'habites à combien de kilomètres de Tours ? Oui, on va pas s'étaler hein, là-dessus. Hein. Bon. En tout cas, belle aparté quand même sur ce festival, et on en reparlera certainement l'année prochaine. Il y aura aussi une belle programmation, j'imagine. S'il y a une belle programmation, j'y retourne. Ouais, et ouais. Je pars du jeudi ici. Ça marche. Ouais. Et bah, écoute, tant que tu pars pas le mardi, tout va bien. Sherlock ? Oui. Un peu de musique ? Bah, bien sûr. De l'amour ? De la tendresse ? Mais c'est plus pas quoi, trop en fait, avec la première chanson, ça parle pas trop d'amour et de tendresse. C'est quoi ? Suzanne Vega avec Luca. Oh, quelle horreur. Ouais. Hein ? De quoi, quelle horreur. Mais ah, j'aime belle, pas. C'est... Ah, j'aime pas du tout. Ah, mais moi, je la trouve belle cette chanson. Mais il faut vraiment écouter les paroles. Suzanne Vega, j'aime pas. Il faut vraiment écouter les paroles parce que c'est l'histoire en fait. C'est tiré d'une histoire vraie d'un enfant qui se fait battre en fait. Et donc, il vient dire au voisin qui vient juste d'emménager, si vous entendez crier, c'est pas grave, c'est que moi. Vous inquiétez pas, ouais. C'est un bon gamin déjà. Moi, il prévient. Enfin, voilà quoi. J'ai l'habitude, j'encaisse. Et pourquoi je passe ce titre ? C'est parce que c'est l'anniversaire de Suzanne Vega aujourd'hui. Elle est née en 69. Joyeux anniversaire, Suzanne. On l'embrasse d'ailleurs. Suzanne. Et joyeux anniversaire également à Richie Sambora, qui est le guitariste de Bon Jovi. Ah ouais, mais il y en a aussi. Et il y a aussi le gars d'Urgence aussi. Non, Grey's Anatomy. C'est son anniversaire aussi aujourd'hui. Ah bah. Grey's Anatomy ? Ouais. Et Vega était la planète de. Lequel ? Goldrake. Non, mais là, on passe du coq à l'âne. Ouais, c'est ça. Il y a un des acteurs qui fait son anniversaire d'accord, de Grey's Anatomy. Ouais, non, mais je. Non, il vient de me regarder en disant je passe du coq à l'âne. Il s'est retourné vers toi. Ouais, en disant l'âne. Ouais, ça me rassure. Ouais, ben moi, je serais pas rassuré si je viens derrière toi. Oh, arrêtez, les gars. T'as tendu les tentes, mais attention. Je vole très, très, très vite, monsieur. Tu sais pourquoi la France a choisi le coq comme emblème national ? Ouais. C'est le seul animal à chanter les deux pieds dans la merde. Qui est capable de chanter les deux dans la merde. Ok, et donc on va revenir avec Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. D'accord. Je connais moins. C'est vrai ? Ah ouais. Oh, je suis sûr que t'as déjà entendu cette chanson. Oui, bien sûr, évidemment. Allez, bon, on est parti, on s'écoute ça tout de suite. Allez. Yes, I think you've seen me before. Thank you. J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain. Alors là, vous faites ça avec élégance. Oh, merci. Merci bien. Oui, comme c'est les vacances, je vous ai fait une petite chronique spéciale vacances quand même. Ah bah oui. J'ai pas fait une chronique ciné rétro 80 comme d'habitude. Là, c'est là, je vais parler des covers justement des années 80 qui sont reprises donc sur d'anciennes chansons. On sait pas forcément que c'était. Que c'était des reprises, mais alors, je vais peut-être vous en faire découvrir quelques-unes. Hein, parce que... Alors donc le cover c'est une reprise hein, ouais. En fait purement et simplement. Alors soit réadapté à la sauce 80s justement parce que ça sonnerait peut-être pas forcément bien dans les années 80 de reprendre une chanson des années 50. C'est la même sonorité. Le plus bel exemple, je pense que et beaucoup de gens ignorent que ça n'est pas l'original, c'est Tainted Love. Ah oui oui oui. Ah, voilà. Justement. Tu ne penses pas si bien dire, c'est la première que j'allais passer. Ah, ouais, donc voilà. Et tu vois comme quoi les grands. Et l'original date de 64. Ou 66. 65. Hein, t'as tapé entre deux. In between. Voilà. T'as tapé à côté à chaque fois. Bon, c'est pas grave. On te le dit souvent, je pense, mais c'est pas grave. Alors écoutez. Donc... je confonds avec. Là, je viens de t'en mettre une. Ah non, moi. Oh, elle est belle. Ça aurait pu être moi. Donc voilà. Donc, j'ai pas eu de plainte. Donc le principe dans la chronique, c'est que j'ai repris donc, l'extrait de la chanson des années 80. Ouais. Un petit extrait qui dure 15 secondes à peu près. Mm-hmm. Et ensuite, un petit extrait de la chanson d'origine. Pour vous montrer un Play petit peu game. Ce que c'était. Okay. Allez, vas-y, on va. C'est parti donc avec Soft Cell et Tainted Love. Tainted love you given, I gave you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love. Voilà. Je t'avoue. Ah ouais, il n'y a pas de doute. Hein. Et donc, mais ça, c'était rock, Gloria Jones en 65. Ouais. Ah ouais, non, et moi, je t'avoue, je suis fan de la première, mais quand c'est le chanteur qui parle. Quand tu t'essayes de virer la musique et t'entends sa voix, si tu la repasses vraiment, et t'entends l'autre, la deuxième, elle chante. C'est une chanteuse. Bah oui, ouais. Le premier, pas du tout. Ouais, ouais, c'est ça. C'est tellement dans la rythmique des années 80, on l'a tellement entendu, mais le mec, il est en fond de gorge, il a rien, il n'a pas de ventre. Il est en train de miauler complètement en travers. D'ailleurs, on dirait moi quand je suis fatigué. Mais pour la petite info quand même, c'est qu'il y a aussi une version longue qui existe de Tainted Love. Elle et derrière, en fait, il embraye aussi sur un titre des Supremes. Oui, voilà. C'est ça. T'aurais pu aussi le passer d'ailleurs, puisque on le connaît aussi sur cette version-là. Hein. C'est vrai, ouais. Mais non, ça, je le laisse pour notre ami Stéphane qui se fait un plaisir de nous passer quand c'est ça. Ouais, attends, la version elle dure 10 minutes. S'il nous fait un défi mix avec une version de 10 minutes, moi j'ai une question. Il nous met deux titres. Cette semaine ou semaine prochaine, est-ce que tu as I Feel Love I Feel Love. C'était repris par Jimmy Somerville, mais qui était chanté avant. Et qui a été chanté avant. Ouais, c'est ça. C'était Donna Summer. Ah, je te file. Ah, mais voilà. Alors, donc, Jimmy Somerville, ici, j'en ai. Oui. Est-ce que la semaine dernière, j'en avais ? Non, tu n'avais pas ça. Non, mais vas-y, enchaîne. Attends, mais non, bah après, j'ai fait. C'est un test que je te lance parce que. Mais j'ai dû faire aussi. T'as le cover du cover, si tu veux. Il est plus compliqué à trouver. I Feel Love, Jimmy Somerville, on l'a dit. Le deuxième, bah oui, mais ça avait été chanté par. Mais ça a été chanté 77. Bien avant. Ah oui, ouais, c'est bien possible. À une version très très acoustique, inaudible et magnifique. En fait, toute la chanson était en 1957, était là. Ouais, bah et, oui. Et en fait, ça avait été bien écrit, mais les enregistrements de l'époque, ça sonne pas. Le mec, il est. En fait, donc, c'est très très c'est beau. Peut-être pour ça que je l'ai pas que je l'ai pas mis, parce que c'était pas un cover. Ah oui, t'as raison. À proprement parler, c'est pas dans ta chronique, c'est vrai. Voilà, tu vois. Ah bah c'est plus un cover des années 80 pour le coup. Bah voilà. T'es un professionnel. Non, mais c'est vrai, c'est juste, c'est une reprise d'un cover. Ouais. C'est un cover, c'est un Harry cover. Alors. Donc tout le monde connaît la chanson par contre de Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Ah ouais, bien sûr. Et bah là aussi c'est un cover des Supremes de 66. Ah ouais. Écoutez ça. Je l'avais passé ça, je me souviens. Écoutez ça. J'ai fait une chronique sur Kim Wilde. Bien sûr. sûr. Ça fait un peu danser le jerk, mais. Ouais. Mais c'est tout ça. Est là. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais, si, j'avais entendu cette version-là, ouais, si. Quand tu me le dis, ouais, carrément. Ouais. Par contre, faut être honnête, un jour, Harry, je t'interpelle, mais tu sais, tu me disais, les années 80, moi, ce que j'aime pas, c'est les titres qui ont été repris. Et en fait, on est en train de faire un peu des covers aujourd'hui, des années 80, comme on a fait les 80, ouais. On reprit ces belles chansons. Je crois ah qu'il y a, oui, il y a des chansons universelles qui sont écrites. Et en fait, à l'époque, on viendrait à faire une soirée. Tiens, on fait une soirée des années 80 et Sherlock nous trouve 70 covers, mais on met les originaux. Les gens y reconnaîtraient, mais danseraient pas. Parce qu'il y a une certaine rythmique. Aujourd'hui, dans les années 80, quand t'entends ces magnifiques chansons, mon œil, il y en a certaines qui n'avaient pas la boum. Il n'y avait pas le truc qui fait que maintenant, il ouais, y a le beat. Et je parle pas de Pokora, machin, mais il y a des trucs qui ont été un peu, pas techno, mais il y a un boum, boum, qui tape dessus. Et U2 qui a été repris récemment et Depeche Mode, il y a vraiment des trucs où ça met les impacts, quoi. Ça met, ça bouge, c'est plus rythmé, et on se dit, c'est comme ça que ça aurait dû être écrit. En fait. C'est pas faux. Tout à l'heure, on parlait justement de reprise de cover, puisque tu as démarré avec Tainted Love, il faut savoir qu'il y a, eu quelques mois une reprise par Jim Barber de Tainted Love. Ah, c'est qui Jim Barber? Il est passé dans The Voice. Ah, c'est possible, oui. D'accord. Mais après, ouais. Ah oui, oui, ouais, oui. Sa version, je reconnais, sa version, elle déglingue. Ah ouais. Mais c'est une reprise d'un cover, puisque bon. Ouais, bah oui. Déjà, c'est comme Marilyn Manson, tu vois. Exactement. Eh ben, voilà. Oui, genre, aussi. Marilyn Manson l'a repris dans les années 2000. Mais c'est la reprise d'un cover. Elle, c'est comme, trop, c'est comme, ouais. C'est comme Julien Doré qui avait repris une fois Feel Love. Ah, Feel Love. Et il avait repris de manière complètement barrée et c'était atmosphérique. C'est, ce mec-là, il était complètement jeté. Et tu te dis, c'est comme ça qu'elle aurait dû. On aurait dû la chanter comme ça, quoi. Bah, il s'est rangé, je trouve, malheureusement. Parce qu'il était. Pour gagner, ouais, bah voilà, magnifique, c'est le tir, sirupeux. Ah oui, c'est ouais, exactement ça, t'as tout à fait raison. On entend ces chansons-là. Je pense qu'il est formaté, on lui a dit, ok, on te laisse t'exprimer, et en fait, t'as raison, on arrondit, on met du sirop autour pour que ça passe, et c'est plus lui. Moi, je pense que quelque part, c'est aussi, il a l'avantage d'être super bien produit, et que toutes ces chansons de son album, tu vas toutes les voir en fait. Ouais, parce mais... qu'aujourd'hui, les groupes, ils fonctionnent, ils ont un, deux, trois titres d'un album, et puis ils fonctionnent avec celui-là, quoi, avec de la pub du clip. Lui, le clip, en regardant régulièrement des chaînes musicales, j'ai l'impression que tout son album passe, quoi. Enfin, et tout son album va passer. Je suis d'accord. Mais oui, mais justement, tout son album va passer, quoi. Ouais, mais quel intérêt. Ouais, voilà, il n'y en a plus. Mais là, bah non, tandis que moi, je trouve que c'était l'intérêt de sortir deux, trois titres qui cartonnaient pour un groupe ou un chanteur, une chanteuse. Et si les trois singles issus de l'album cartonnaient, ça te donnait encore plus envie. Tu venais de découvrir un nouveau groupe, un nouvel artiste, une nouvelle vedette, et t'avais envie d'acheter l'album. Mais là, si tu balances tout, c'est. Ah, mais je te rejoins, de toute façon, j'ai pas ta couleur musicale, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Vous rentrez dans une niche où tu découvres des groupes ou parfois des gens, ils font des perles, mais les initiés deviennent fous de ça. C'est mondialement connu par les initiés, donc c'est moi. Mais à côté de ça, quand t'entends une version commerciale et que t'entends des vrais musicos qui jouent parfois, c'est des perles acoustiques, c'est des voix formidables, mais ça ne percera pas que dans un système. C'est un peu un microcosme. C'est un microcosme. Tous les rockers, c'est vrai qu'il y a des titres parfois où on balance un truc, putain, la guitare derrière, la batterie, tu te dis, c'est un monstre, mais tu connais pas. Exactement. Mais musicalement, tout de suite, t'adhères. Ça, je suis d'accord. Flip Flap, c'était vachement bien à l'époque. Les Forbans, moi, j'adorais. Et voilà, c'est reparti. Bah écoute, honnêtement, je préfère encore ça que Barzotti. Ah ouais, j'aime bien Barzotti. Je suis comme Sherlock. Quand j'entends les Forbans, je parle à l'univers. C'est ça. Et bon. Sherlock, il n'a pas intérêt à dire qu'il n'aime pas Barzotti. Ah non, mais j'aime bien, moi. Il aime bien Barzotti aussi. Il t'écrit plus ? Non. Bon, je vais continuer quand même bien la chronique. Bah oui, bien sûr, parce que là, comme je disais, on est parti un peu n'importe où. Hein. Oui. N'importe quel kawak. Donc, il y a Paul Young qui a fait une reprise. Enfin, il en a fait même plusieurs. Ouais. C'est Every Time You Go Away. Ah, j'adore. Eh ben, c'est you une reprise. Take a piece of me with you. C'est ça. Et c'est une reprise d'un groupe des années 80. C'est All & Oates qui chantait ça en 80. Ah oui, c'est possible. Et ouais, et ça donnait ça. Ah oui. C'est aussi bon l'un que l'autre, moi je trouve. Ouais, ça va. Ouais, franchement, ouais. C'est plus soul, je trouve, Les Notes. Ouais, ok. Et donc, c'était dans la même période, alors. Hein, oui, alors, lui, il l'a sorti en 85, Paul Young, ouais. Donc 5 ans après. D'accord. Mais c'est sa chanson qui a été plus remarquée par le public. Ah ouais. Oh, par ah contre, ouais. Tu parles de Paul Young, si tu peux me trouver Love of the Common People. Eh ben, je l'ai. Tu l'as? Oui, je l'ai. Fais-moi mal. Fais-moi mal. Mais alors, justement, c'est. Attends, je me retourne. Sans Vaseline. Non, non, mais justement, c'est aussi une reprise et je vais y venir juste après celle-ci, donc qui est Kylie Minogue avec The Locomotion. Ah bah oui, évidemment. The Locomotion, qui date de 87, mais qui est de Little Eva en 62. Et c'était ça. Hey. Je préfère la. Mais oui, mais moi aussi. Acoustiquement. Ouais, je préfère celle-là. Alors, ouais, donc tu me demandais Paul Young avec Love of the Common People. Et Love of the Common People, ça date de 83 et c'est un titre de Waylon Jennings de 67. Ouais, bah, je suis content que tu l'aies trouvé. Alors, parce que... Ah ouais, sérieux? Ouais, écoute, ouais, oui. Ouais. Waylon Jennings de 67. Alors écoutez, ça donnait ça. She's living in the love of the common people. Bon, c'est vrai que la dernière, ça fait un peu Walker Texas Rangers. Ouais, avec le petit truc de piano, ouais, ouais. Je vous dis ça parce que Paul Young, en fait, quand il a fait Love of the Common People, c'était une chanson qui lui était pas vraiment écrite, qui n'avait pas, pardon, vraiment été écrite pour lui. Et il s'est dit pourquoi pas. Et il y a un acousticien qui s'est mis là-dedans, j'ai plus son nom, et qui a dit on va en faire une chanson complètement barrée. Et elle est. Ah ouais? Ça vous rappelle quelque chose, c'est dans la chanson. When the. Non, il faudrait l'écouter en vrai. Ouais. Et en fait, il a dit il faut mettre des nanas là-dessus parce que Paul Young, en fait, elle est avec sa voix, l'a réinterprétée de la même façon, un petit peu moins sirupeuse, si on l'entend. Et il dit c'est-à-dire les femmes qui sont derrière. Et en fait, toute la Corée, c'est vrai que ça donne un truc qui est quand même bien modelé parce que c'est un ovni, hein, cette chanson. Elle débarque dans les années 80 entre U2 et Depeche Mode. T'as ça qui débarque, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est un truc très pieux. Hein, je vous avais traduit les paroles il y a un bout de temps, je m'en souviens plus moi-même. C'est très pieux, en fait, quand je les ai traduits, du purée, c'est un truc, c'est un à Jésus, hein, je me tais. Non. Bah non, mais c'est très bien de savoir ça. Bah voilà. Merci. Alors, je vais vous passer maintenant Cyndi Lauper avec Girl Just Wanna Have Fun. Eh oui, et l'original, elle est sortie après, post-mortem, c'est Roy Orbison qui l'avait écrit et qui l'avait enregistré avant. Mais alors, après. Quand Sherlock est comme ça, il va dire pas, oh du, tout, pas du tout. Non, c'est non, pardon. C'est pas ça. C'est Out of All Night. Voilà. C'est ça. Non, mais je voulais dire tout à l'heure. Pour les auditeurs, mais j'y reviendrai. Ouais. Pour les auditeurs, on se fréquente à peu près depuis 4-5 ans. Il y a des attitudes, je connais Sherlock, t'es en train de lui parler. Alors, et Sherlock commence à te regarder en disant il regarde sa feuille, il fait. Non, mais pas du tout. Mais c'est ça. C'est ça. C'est pas ça du tout. Et c'est parce qu'en c'est fait. Pas ça du tu tout. Sais quoi? Non, c'est le. Tu sais, c'est comme l'histoire des mots-clés. Quand j'ai entendu Cyndi Lauper, parce que j'y pensais tout à l'heure. Non, mais je comprends pourquoi. Parce que je vais revenir dessus tout à l'heure mais également. Je vais te dire un truc. Je sens gros comme une maison qu'à un moment, Flipkart va faire. C'est quoi? C'est une comédie ou c'est. Est-ce que les acteurs sont connus? C'est bloc le pépère là. Mais non! J'étais bloc pépère. Alors, Flipkart, ouais. Je ne fais pas la chronique Ciné Retro 81 ce soir, je te le dis. Oui. Là, c'est les covers. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc, il n'y a aucun acteur donc, connu. Donc, il n'y a pas Jack d'accord. Nicholson dedans? Non. Hein, même du si tout. C'est Shining. Non, c'est pas Shining. Non, c'est pas Shining. Retour vers le futur. Non, du tout. Donc, là, c'est Cyndi Lauper avec Girl Just Wanna Have Fun. Et c'est un titre qui date de 79 par Robert Hazard à la base. Écoutez ça. Tiens donc. Hop, Alors, terrible. Ouais. Allez, je vais devenir graveleux. T'as la version de la femme qui aimerait rencontrer un mec. Tout ça. Ouais, c'est et ça. Là, t'as la version du mec qui a envie de se faire une nana. Tu m'étonnes que la deuxième version n'est pas. Et remets-moi le mec. Attends, imaginez un mec excité qui. Girl, just wanna have fun. Alors, ouais, imaginez un mec lubrique. Moi, par exemple. Je vais essayer de l'avancer un petit peu. Imaginez. Oui, avance-le un peu parce que lui, il est. Écoutez, imaginez le mec. Il a une voix d'obsédé, le mec. C'est de quelle année, ça? 79. Ah ouais, bah écoute... C'était Robert Hazard. Rien à voir avec Thierry. Non. C'est pas Hazard. Non, pas du tout. Ouais. Attends, parce que là, je me suis planté. Hop. J'aime bien quand tu caresses tes cheveux comme ça, quand tu t'es planté. Alors, donc, je vais vous parler maintenant de Laura Branigan avec Gloria. Ah oui, évidemment. Gloria, qui est super connue par Laura Branigan. Absolument pas, non. Je connaissais Self Control, mais... Tu connais pas Gloria? Gloria. Ah si. Parce que Laura Branigan a chanté ça. Oui, elle a chanté ça et à la base c'est de Umberto Tozzi. Ah bah oui. De 79. Mais je sais même pas que. Eh bah si. Ah bah, alors justement, écoute la version de Laura Branigan qui date de 82. Je suis pas sûr, mais je crois que Sheila aussi l'a chanté. En français. Oh, c'est possible, ouais. Ou non. Elle voit. En français attends. Karen Sheridan. Karen Sheridan. Ah oui, ouais. Nouveaux... Non, c'est pas les nouveaux romantiques. C'est... Non, mais elle l'a chanté. Ouais. Mais ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. Candia, elle avait fait une pub. Candia. Peut-être. Alors. Kim Carnes avec Bette Davis Eyes. Ouais, c'était une reprise aussi, ça. C'est une reprise, bah oui, forcément, si je t'en parle, c'est que c'est une reprise. Ouais. Excuse-moi de discuter avec toi, Charles. Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, mais ça va, Harry, t'alimentes sa chronine, mais t'arrêtes pas de dire, c'est une reprise. Ouais, mais c'est un peu le but de sa chronine, si tu veux. Tu sais qui me fait penser. Il est formidable, ça fait trop fort. C'est une reprise? Non. Et tu sais qui me fait penser que ces questions, excuse-moi, des questions de balle, mais où toi, non, la joker. Non, la joker. William Lémergie, le matin. Moi, je suis pas réveillé. Tu sais qu'il a pris sa retraite. Ouais. C'est pour ça il y a un créneau. Donc c'est une reprise. Oui, c'est une reprise. Harry faire une émission à 6h30 du matin, ça s'appelle un bruit blanc. Si je pourrais. Hein. Ouais, donc, tu mettrais Hector. Kim Carnes qui chante Bette Davis Eyes, c'est la reprise en fait de Jackie DeShannon de 1974. Oh. Et ça donnait ça. Alors, contre, c'est bien retravaillé. Parce que oui, c'est complètement retravaillé. Vraiment... C'est pour ça que je disais, une reprise, c'est pas forcément note pour note. Hein. Là, ils ont repris le gros de la musique, les paroles sont les mêmes, mais par contre, ils ont complètement retravaillé à la sauce Haïti. Et par contre, la deuxième version, c'est ça serait jamais passé comme ça dans les années 80. Celle qui l'a chantée là-bas, c'était Jackie DeShannon. Jackie DeShannon. Ouais, Jackie DeShannon, en 74. Mais par contre, la deuxième version, c'est d'accord. Donc en fait lui on fait un replay. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas entendu ta réponse. Canon nous écoute en replay, j'adore. Bon, alors ensuite il y a Status Quo qui chante In the Army Now. C'est une reprise ? C'est une reprise. Non. Et ben oui, c'est une reprise. Voir un cover. Non, c'est une reprise. Donc c'est même un cover. Oui, exact, Canon, bravo. Donc, In the Army Now de Status Quo, ça date de 86, et là, c'est une reprise de 82 de Boland and Boland. Et ça donne ça. Il manque une basse. Ouais, c'est ça. Ils ont juste rajouté la base derrière. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Enfin, c'est pas une basse. Donc hein. Le Georges Brassens en fait qui était derrière. Pom pom pom pom pom pom. J'ai la guitare. Avec le mi. Là, c'est Yves Duteil par contre. Ouais, non, je sais. Merci. Ah bon? Ouais. Donc Whitney enfin, Houston. C'est pas une basse, hein, c'est un Benatou. Whitney Houston, alors elle aussi, elle en a fait quand même pas mal des reprises. I Will Always Love You, c'était une reprise déjà. Oui, bah, ça c'était une reprise, mais ça c'était dans les années 90. Ah, c'est vrai. Elle s'est fait reprendre deux fois par Kevin Costner. Par contre, Whitney Houston qui chantait Saving All My Love For You, ça date de 85, et c'était une reprise de Marilyn McCoo and Billy Davis Jr., de 78. Rien que les noms sont. Et t'es obligé de lâcher en 33 tours pour avoir tout le titre. C'est ça, ouais. Ouais, je veux dire, rien que le titre sur le vinyle, il n'y a pas de photo. C'est ça. Et ben, ça donnait ça. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. I'm saving all my love for you. Ah, c'est très ressemblant, ouais. Ouais. Ouais. Elle me manque vraiment, elle. Oui. C'est vraiment une grande, grande chanteuse. C'est vrai. Et voilà. Si elle te manque vraiment, j'ai encore un titre d'elle, qui n'est pas d'elle justement, qui est The Greatest Love of All. Ah bah évidemment. Et ça date de 86 et c'était de George Benson en 77. Ah bah, c'est le titre. Eh bah, écoute, ça va The Greatest Love of All. Ça va être une découverte. Le meilleur amour des trous. Mais non, All. À deux L, pas All H-O-L-E. Enfin, The Glory All. Non. Arrêtez. Ça va être une découverte. Golden Shower. Bon, écoutez, ça donne The Dark Side of the Moon. Ah, si. Pour moi, c'est aussi bon tous les deux. Bah, oui, ouais. Faut, voilà. Problème, je dis toujours, il faudrait que la deuxième version qu'on entend dans les années 50-60, c'est les qualités d'enregistrement. Parce que c'est vrai que maintenant, t'as des bandes. C'est vrai, bien sûr. Ah, là, ça date de 77, hein, George Benson. Ah, je voyais ça plus. George Benson, ouais. Qui a quand même chanté Give Me the Night. Ouais. Qui a lancé la cigarette. Alors, Cher. Cher qui a chanté dans les années 80. Avec Stéphane. Mais non, pas Stéphane et Cher. Ils ont fait un duo, non? Ah bon, oui, mais non, mais... Bah, c'est les soldes. Oh là, c'est pas vrai. Bon, non, Cher qui a chanté Choup Choup Song. Ouh, ah oui, bah oui. La chanson de la sucette. Alors, Choup Choup Song. J'adore cette chanson. Oui, moi aussi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Danny DeVito dedans. Absolument pas. Non, c'était même pas lui d'ailleurs. Christina Ricci. Pas du tout. Ah oui, aussi. Qui est là, toute petite. Elle est adorable dans ce clip. Oui. J'adore. T'aurais pu lui faire la Sherlock? Pas du tout. Oui, on se doute que c'est une reprise, évidemment. Oui, c'est une reprise de Mary Clayton de 63. Écoutez ce que ça donnait. Il y a un petit truc un peu country derrière aussi. Ouais. Hein. Ouais. Alors Mary Clayton est quand même assez connue. Elle est assez connue puisqu'elle y a l'état. Bah le tang qu'il y a derrière, si. Mais écoute bien sur la fin. Sur la fin du titre. Tu fais très bien la guitare country, mieux que Casimir. Remets le meuleux. Écoute bien. Ouais, le. La petite cloche qui marimba. Teinte là. Ouais. Marimba. C'est marimba. Les marimba. Ouais. Je m'en souviens. Alors pour la petite info, Mary Clayton est assez connue quand même puisqu'elle est intervenue sur la BO de Dirty Dancing. Et vous entendez des titres de Mary Clayton. Ah oui. Bien sûr. Et qui tourne encore. Hein. Elle est plus toute jeune. Elle a au moins 70 ans je crois maintenant, mais elle tourne encore Mary Clayton. Ouais, je me doute si des gens en 60. En 63, elle chantait ça. Elle avait au moins la vingtaine, je pense. Ah ben, je te dis, ouais, c'est sérieux. Ouais. Et on peut la voir d'ailleurs dans le. Quand tu regardes le concert live de Dirty Dancing, je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai, donc je regarderai. Tu peux regarder, mais tu verras, il y a Mary Clayton qui intervient et qui chante quelques titres, notamment. Ah oui, Une blague. Mais bon, hein, le concert, il date d'il y a 20 ans aussi. Ouais, ouais, d'accord. Mais bon, elle fait 79. Maintenant, tourne dans sa chambre. On ne sait... Alors, non, ne disons pas ça aux spécialistes de la gériatrie. Elle tourne, mais dans son urne. Là, ça va... Là c'est... ce titre-là va parler forcément à Flipkat. C'est ouais. Les Fine Young Cannibals avec Suspicious Minds en 85. Tu n'as pas déjà passé celui-là ? Qui est une reprise de Elvis. Eh ben non. Ah, bonne surprise. De qui est une reprise de Mark James de 68. Oui, effectivement, parce que elle était popularisée par Elvis en version de 75, je crois. Ouais, il me semble 73 ou 75. En fait, à l'origine, elle est pas de Sherlock, elle est pas d'Elvis. C'est qui Picious? Ben, je sais pas. J'ai cherché sur Wikipédia, je l'ai pas trouvé. C'est qui Picious? Et effectivement, quand j'avais fait une chronique, je me souviens effectivement, tu m'as. Tu as fait une folie, toi ? Pardon ? C'était quand ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous, on avait... L'émission n'existait pas à l'époque, si ? Donc, ouais, effectivement, c'était Mark James en 68 et ça donnait ça. Je disais, la deuxième version reste fidèle à celle d'Elvis Presley, donc non, à l'inverse. Ouais, voilà. Puis, Elvis Presley était fidèle à la version originale, je trouve. Déjà, et oui. Même, très franchement, j'ai toujours trouvé... je connaissais déjà la version qu'Elvis avait popularisée, mais j'ai toujours trouvé très belle la version des Fine Young Cannibals. Ouais. Oui. Mais ce que Cannon disait, ça fait plus brouillon, en fait. On entend plus un brouhaha au milieu de la musique pour les Fine Young Cannibals. Ouais, C'est plus clair, la version d'Elvis est plus claire musicalement que la version des Fine Young Cannibals. Oui, oui. Alors, ensuite, UB40, Red Red Wine. Ah, oui, ouais, c'est une reprise également de Neil Young de 67. Neil Young, Neil Young. Qui était un super chanteur. Hein, ouais. Attendant. Alors, écoutez bien, ça donnait ça. Alors là, la version reggae, là, c'était quoi, 83, 84 Non. Alors la version 83, Red Wine. Ah ouais, tu vois, c'est comme quoi. Il y a quand même des musiques. De tu sais pourquoi je me plante tout le temps. Là, il y a vraiment des musiques qui symbolisent une époque dans ta vie. Ouais, là, je dis ça parce que je disais, qu'est-ce qu'on a pu fumer là-dessus. C'est pas ça, mais j'ai rencontré, c'était la première fois de ma vie, des gens style reggae man, quoi. Et je me suis retrouvé dans cette ambiance. Là, ça fumait pour le coup, pas moi. Et je me souviens à quelle époque. Et tu vois, c'est rigolo. C'est revenu à la mode. C'est vraiment bien après plus tard, puisque c'était quand même la musique d'une publicité pour des jeans bien connus, évidemment. Levi's. Ah oui, exact. Ouais. C'est vrai. C'est intervenu. Alors maintenant, Cannon, tu me parlais de Jimmy Somerville. Jimmy Somerville a repris Don't Leave Me This Way. Oui. Ah bah oui. Ah oui, Donna aussi, Summer. Oui. Qui était... Non. Eh ben non. Parce qu'entre deux, il y avait Donna Summer. Oui, non, voilà. Mais alors, c'était de Harold Melvin et The Blue Notes. Okay. Et c'était en 75. Ouais. Et ben ça donnait ça. La dernière version, oui. Il manque Guy des bons tuyaux et Starsky. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est ça fait ça, ouais, ça fait franchement. C'est ça, c'était le disco américain. Ouais, c'est ça, le funk. Ouais, un peu funk. Alors, américain. Bonne question, on dit funk ou funk? Normalement, c'est funk. Comme on les dit funk, punk, punk, c'est punk. Non. Bah ouais, ça. Des fois, j'entends des gens dire c'est de la funk. Bah, toute ma vie, j'ai entendu de la funk, mais c'est vrai que funk, c'est le vrai terme et tout ça. Mais t'entends funk, souvent. Ouais. La funky music. Funky music. Moi, j'ai souvent entendu funky music. Ouais. Non, mais même dans. J'ai des titres où ils parlent qui font référence au punk. Hein, en anglais, ils disent pas punk, c'est punk. Ouais. Comme Punky Brewster. Oui. Ouais. Moi. Par contre, on dit pas Funky Goes to Hollywood. Frank. Non, c'est Joyeux, Frank. Ouais, voilà, c'était là. Non, on dit bien Brownski Beat. Et non pas. Non, non, ça va, figure, non. Non, on va pas se la faire. Bon, sinon, il y a Shadé aussi. Shadé, on dit pas Sad, hein, par contre. Ouais, bah, heureusement. Oui, bah, donc, le marquis de Shadé, ça fait con. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est comme on dit pas Liner de Skyner, c'est Liner de Skinner. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Avec Gary, eh oui. Ouais. Eh oui. Nous, eh oui, alors tout de suite, Simone, on lâche les machines sont lâchées. Est-ce que le chumulu public. Ah non, moi je pensais plus à Yves Morouzi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'était pas Claire Chazal. Non, non. Ah, pardon. Alors donc, il y a Shadé qui chantait Why Can't We Live Together. Ah, oui, attends, excuse-moi, on vient de m'envoyer un message parce que j'ai un rendez-vous à 23h, c'était pour savoir si ça allait terminer avant 23h. Oui, il n'y a plus que 4 chansons. Hein. Je rappelle Harry qu'il y a quand même un mec ici qui a fait une chronique. Mais non, mais je taquine. C'est ça, mais c'est surtout que j'ai dit évitez trop vous éparpiller. Et pendant 10 minutes, on l'a fait quand même. Donc voilà. Donc il y a Shadé qui a repris Why Can't We Live Together en 85 et c'était de Timmy Thomas en 72. J'adore. Écoutez, j'adore. Sans conteste la deuxième version. Moi, je préfère Timmy Thomas. Oui, alors, c'est vrai qu'il n'a pas le même groove. Je sais pas. Tu l'as entendu entièrement ou pas, la version de Timmy Thomas? Ouais, ou ouais, pas? Si, je l'ai déjà entendu entièrement. Parce que t'as une version longue et magnifique et ça démarre tout doucement et c'est machin. L'intro est très très longue. Tu, ouais, tu mets Shadé pour faire l'amour à une femme, tu mets 20 minutes, tu mets la seconde à une femme, elle a envie tout de suite. Il chante bien, le mec. Oui. Ouais. Il donne envie. Ah non, mais c'est clair. Je regarde Sherlock et d'un seul coup, là, tu vois, je tremble. Alors, maintenant, on va revenir sur la chanson de Flipkat, dont Flipkat nous parlait tout à l'heure. Fort, oui. Il y a eu un maxi. Cyndi Lauper, I Drove All Night. Oui. Qui est une reprise de Roy Orbison. Alors, le truc, c'est que Cyndi Lauper l'a chanté en 89. Ouais. Oui. Mais c'est une reprise de Roy Orbison qui, lui, l'a chanté en 92. il l'a pas chanté, elle est sortie après, puisqu'il était déjà décédé quand l'album est sorti. Mais c'est ça. Mais le truc, en fait, c'est que lui l'a enregistré en 86. Il a enregistré, en fait, la version I Drove All Night en 86. Il l'a pas chanté, il l'a pas sorti. Ouais. Il l'avait juste enregistré, mais pas sorti sur un album. Ça a été repris par Cyndi Lauper. Alors je sais pas par quel moyen elle l'a connu ou quoi, ce soit. Acheter les droits, t'en fais pas. Sûrement. Bah oui. Elle l'a chanté en 89. Ça a eu le succès que l'on lui connaît. Et en fait, Roy Orbison, lui, a sorti sa version en 92. Et ça figure sur l'album qu'il n'a pas connu, son dernier album, dans lequel figure Pretty Woman. Voilà. Ah, d'accord. Et son album est sorti après sa mort. Ouais. Et donc la version de Roy Orbison donnait ça. On va dire que ça se vaut quand même. Et je disais, Roy Orbison avait une très belle voix. Hein. Ouais. Ça fait quand même la musique que tu mets, enfin, tu sais, genre kéké en Porsche Cayenne, machin, à se la péter, je m'installe dans un golf et puis je te la fais, tu trouves pas? Ouais. Bah non. Il y a une version kéké de cette musique. Ah, tu parles de quoi? De la version de Roy ou de Roy. De Roy. Ah, de Roy peut-être. Il y a c'est américain. Je suis dans mon truc, machin. Ouais, c'est ce qu'on peut voir en bande-son dans les films avec des corps californiens, encore une fois. Ouais, c'est ça, des road movies ou des choses comme ça. Ouais, c'est le genre de musique que tu pourras entendre dans les road movies. Ça fait un peu musique vieux con quand même, je trouve. Mais bon. Mais il avait une pudeur, moi. Il a quand même fait partie d'un groupe, notamment les Notting Hill Billies, avec Tom Petty. Ouais. Je sais pas si ça vous parle, non. Mais il avait une super voix. Si, Tom Petty, ça me parle, mais... Roy Orbison. Pretty Woman. D'accord. Alors, donc, je vais continuer. Donc, je vais finir, d'ailleurs, avec deux titres. C'est David Bowie de China Girl. Ah oui, ouais. Alors, en fait, les trois derniers titres, je me suis dit, je vais les mettre à la fin, parce que c'est des titres qui sont un peu particuliers. I Drove All Night, ça a été chanté avant la personne qui l'a enregistré. C'est un peu spécial. Là, David Bowie avec China Girl, donc, qui l'a chanté en 83, mais qui a été chanté en 77 par Iggy Pop, ouais, mais qui a été écrit par Bowie et Pop, tu vois. Ça, ouais, une époque ça a été écrit par, oui, David Bowie, oui, et Iggy, oui, Pop. Ouais, c'est peut-être même une, donc, époque où ils couchent ensemble. C'est hein, une reprise, sans être une reprise, parce que lui-même l'a écrit. Donc, ouais. Il y a eu pas mal de collaborations entre les deux, et il y a deux reprises. Ouais, ouais. Hein. David Bowie avait lâché Iggy Pop, il est reparti dans. Vu l'été. Ouais, non mais. Lâche. Très franchement, ces vieux démons l'ont rattrapé, et bon, comme il était à la ramasse, ouais, David Bowie est revenu, c'était l'époque effectivement où il y a écrit ses titres, entre autres. China Girl, ouais. Vous savez, donc, excuse-moi, vous vous souvenez de l'invité qu'on a eu il y a un an, Jean-Noël Coge, oui, qui avait, oh, il y a plus qu'un an, hein, voire un an et demi, deux ans. Ouais. Et en fait, oui, c'était, tu as raison, c'était avec Dom et Pomme, qu'on salue, oui, s'il nous écoute, ouais, encore. Ouais. Et qui avait expliqué justement avec Iggy Pop et Bowie que l'autre voulait prendre l'avion, Iggy Pop voulait prendre l'avion et piloter, parce qu'il pilotait, et Bowie disait à Jean-Noël Coge, mon Paris mec, là, il est complètement barré. Ouais. Ah, oui, c'est, oui, c'est une super anecdote, mais ah, t'imagines, oui, le mec, il était sur le tarmac avec Bowie et Jean-Noël Coge, alors que moi je suis avec Sherlock, ouais, ouais, Harry et Flip Cap. Ça me fait, mais tu pourras en parler dans 10 ans, de tu pourras dire, bah oui, mais... ouais. Putain, t'as vu mes rides, bah, j'ai Sherlock, connu Sherlock, Harry, Flip Cap. Et ben là on va s'écouter, ouais, donc les deux versions de China Girl. Town, just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head and plans for everyone. Moi je préfère la version de Bowie. Ah, moi aussi. Voilà. Ouais. Mais il y a combien, il y a presque 7 ans d'écart, non? Ouais, il y a 8 ans. Ouais. 8 ans d'écart, ouais. D'accord, bah écoute, merci pour tout. C'était, oui, le dernier, oh. Non, non, non, c'était pas le dernier. Le, non, dernier, c'est Balavoine. Alors j'en ai parlé. Balavoine, je ne suis pas un héros. Ouais, ouais, tu, oh, as parlé de Johnny. De 80, oui, bah oui, avec Johnny, de 80. Tu vois, ça, c'est sorti la même, donc, année. T'as trouvé la version Oui, j'ai trouvé la version de Johnny qui est sur l'album quelque part, je crois. Alors, c'est un truc comme ça, je sais plus, je l'avais déjà, ouais, dit. On en avait parlé, est-ce que c'est une version studio par contre? Oui, c'est la version studio. D'accord. C'est la version studio, parce que oui, effectivement, Johnny l'avait chanté en concert en 90. Alors, donc ça a été écrit par Balavoine pour Johnny. Johnny a estimé que ça ferait pas un bon single, ouais, donc il l'a pas sorti en single. Raté. Balavoine s'est dit, merde, j'ai écrit ça, pour moi je pense que c'est un bon single, fait, je vais le chanter comme je pense que Johnny devrait le chanter. Il l'a chanté. Johnny, bon, a eu d'autres succès pendant ce temps-là. Balavoine est décédé en 85. 86, c'est possible, ouais. 85-86, oui, au moment du Paris-Dakar, et Johnny l'a rechanté en public en 90 lors d'un de ses concerts. Mais c'est passé sur les radios, parce que je te dis un truc à la con, je connaissais cette version, enfin bref, je me suis retrouvé au CHU de Lille, hospitalisé avec super infirmière urgentiste, etc., et en fait il avait passé, et ça passait en boucle, c'est-à-dire le truc, je sais pas, la radio, ça avait décollé, j'ai entendu 4 fois la version de Johnny. Ouais, bah ouais, c'est possible. Tout le monde disait, ouais, c'est pas Balavoine, bah oui, c'est possible, c'est joli, j'étais vraiment malade, hein. Sherlock, non, mais je j'étais, j'étais en neurologie. J'ai un gros problème. Voilà, quoi. Non, non, mais après c'est bien possible. Mais la version album est beaucoup moins connue que la version live qu'il a faite, parce que c'est celle-là après qui a été reprise, qui est passée notamment au temps des accords. Que c'est Balavoine qui a l'idée de. Mais d'écrire, oui, la qui a l'idée, ouais. Qui a l'idée d'écrire la chanson. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Je comprends pas là. Vous faites des. Vous savez, vos rapports personnels. C'est Balavoine qui a l'idée d'écrire la chanson. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on va écouter la version de Balavoine et ensuite la version studio de, oui, Johnny. Ouais. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Je disais en antenne, j'irai jamais voir Johnny dans un concert, mais c'est quand même une bête de scène. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Écoute, oui, la version dont il prend, il a ce côté rock. Ah non, mais bien sûr. Voilà. Je l'ai jamais apprécié, je l'ai toujours adoré, je ne l'adulerai jamais, mais c'est un phénomène. La façon dont il reprend du Balavoine, c'est vraiment exceptionnel. Mais reprend pas du Balavoine, hein, il l'interprète. Vraiment, c'est un interprète. Ouais, il l'interprète à sa sauce, quoi. Ouais. C'est ça, il fait des chansons, il y en a plusieurs. Il a fait plein de reprises, évidemment. Flip 4 va pas me contredire, puisqu'effectivement, il a fait plein de reprises des années 50-60. Non, non, ouais, j'en parlais qu'un un ami qui est fan de Johnny, il l'accorde complètement. Ah ouais, ouais, jusque dans les années 80, il a fait que ça. Que ça va même loin, c'est parce que... Les portes du pénitencier, aussi dur que Dubois, Alors c'est noir. Pourquoi tu demandes, c'est vraiment le titre qu'il a repris. Il a fait une comédie musicale qui s'appelle... Et le pire, aussi dur que... Ouais, ouais, ouais. Dubois. Ne fais pas toc-toc à la radio. Ah oui, c'est vrai. Non, le pire, c'est que j'ai discuté avec le pote qui jouait du covoiturage, qui est un fan de Johnny. Ouais. Il connaît des gars qui sont... c'est Johnny, et il n'y a que ça. Et ils ne veulent pas entendre, même pas écouter leur version originale. Et pour eux, Johnny, c'est rock'n'roll. Alors que lui-même, fan, trouve que... il me le disait. Ces mecs-là, il dit, je me prends la tête à chaque fois, parce que non... Mais leur vie, ça gravite autour de ça, et puis rien d'autre. Quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. Et après, c'est déconcertant. Il faut reconnaître qu'effectivement, il a fait beaucoup de reprises, mais comme beaucoup, que ce soit Johnny, Claude. Ah, mais il a déjà essayé, même à tous des les potes, artistes de l'époque ont fait plein de reprises, évidemment. De faire écouter l'original. Oh non, pas sur ça, Johnny, c'est rock'n'roll. Non, Johnny, c'est pas rock'n'roll, quoi. Ce qui fait c'est rock'n'roll. Non, après, c'est pas rock'n'roll. Non. Bon, ok. Ok. Mais non, mais parce que ces gens-là, tu leur dis, ils ont l'impression que lui représente tout ce que. Ah, il faut qu'il me fasse ça, Flipkat. Mais non, moi, je m'en fous. Mais non, mais merde, quoi. Combien de fois je vais devoir te le dire? Mais arrête! Ça, c'était bon, d'accord, t'as raison, c'est pas rock'n'roll, Johnny. Ah oui, ça, c'était mes fesses. Ouais, non, ouais, voilà. Mets-toi ça dans le crâne, quoi, un petit peu. D'accord. Quoi. Oh, ouais, d'accord, ok, j'arrête. C'est bon? Promis. Ok. Ça, c'est Johnny. J'arrête. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'aimer ce soir? T'as toute la foule, oui! Hé, mémé, mets ton manteau, t'as une chance de m'aimer. Allez, petite coupure musicale. Ça, c'est ce que les frères Bogdanov disaient. Mets ton manteau, on s'en va. Bah oui, on voit que le mec, il traîne sur Facebook. Bah non, mais pendant qu'on y est, quoi. C'est pas possible. Je sais que je peux faire mieux, mais bon. Le pire, c'est qui c'est. Bon, Charles, redresse un peu la barre, s'il te plaît. Non, ben, je vais bien essayer. Je veux dire, est-ce que tu peux relever le niveau? Non, ça, c'est je veux dire, est-ce que tu peux mettre de la musique? Oui, bien sûr. C'est pas une barre, c'est une virgule. Alors, on va s'écouter en avant-première au 14 juillet de Waterloo. Oh. Ouais. Thierry Pastor. Ah. Avec Sur des musiques noires. Ah, ça me fait plaisir. Version longue, j'espère. Non, là, c'est la version courte, sinon on n'a pas fini l'émission. C'est vrai. En général, les musiques noires, c'est plutôt la version longue. Tu crois? Et ensuite, Otawan avec DISC. Ah bah, on pourra en reparler justement. Mais bien sûr. Bah, ça marche. Alors, la version française de DISC. Ouais, je préfère parce que en anglais, c'est un peu spécial. Mais alors, écoutez bien, à chaque fois qu'il dit le I, c'est toujours un mot qui ne correspond pas. Ah non, bien sûr, évidemment. Parce que c'est I hystérique, tu vois. Ouais, bien sûr. Pourquoi hystérique, ça s'écrit pas avec I? Merde. Elle est dyslexique. C'est ça. Il aurait dû le faire, par contre. Et d'ailleurs, il faudra lui poser la question. On pourra lui poser la question. Oui, pourquoi il a posé la question? À mon avis, c'est qu'il trouvait pas de. Mais non, mais après, c'est il trouvait pas de rire. Bah oui, à mon avis, je pense, ouais. Tu diras banane commence par un B, ça finit par un A. Banane commence par un B, ça finit par un A. Par un E. C'est raté ton truc, mais c'est pas grave. Normalement, ça banane, commence ça commence par un B et ouais. Ça finit par un A. Par un A. Ça finit par un A. Ah ouais. Et ça, normalement, ça commence par un A. Et après ça, on va aller avec avec mes vannes à deux balles, mais je vois que le niveau est pas mieux. Oh, donc nous sommes avec Péroni. Non. On me dit jamais ça. Je l'ai connu. Il est mort dans mes bras sur un bateau. C'est vrai, mais il est pas mort. Non, j'étais ce matin à la radio. Qui de qui tu parles? Non, Péroni. Ah non, non, je parlais pas du même. Ah bah non, non, il est pas mort. Non, non. En tout cas, bon. Il est mort cet après-midi alors. Ouais, je savais. Allez, pas. Coupure musicale, Sherlock. Oui, allez, c'est parti, à tout de suite. Je lui ai dit que satanique. C'est pas possible. Là, ah ouais, bah oui. Il s'éclate comme N-I-S-C-O. Pas possible. Elle est D-I-S-C-O. Ah, c'est D-I-S-C-O. Bah oui. Bah oui, disco. Elle ouais. est disco, évidemment. Alors, tu fais bien de passer ces titres-là, puisqu'effectivement, ouais. ils seront donc le 14 juillet à partir de 15h, donc au Parc du Lion à Waterloo. Voilà. Donc, et on ira les voir. Et on sera là, bien sûr. Oui, évidemment. On sera là pour les interviewer, évidemment. Donc, on aura l'interview donc, de Pat Ottawan, qui fait partie du groupe Ottawan, évidemment. De Chantal, donc alias Sloan, oui. évidemment. Alors, si on a de la chance, on va essayer de croiser aussi Thierry Pastor, hein, qui sera là aussi oui, également. On va déclencher la chance. Oui, mais oui. je pense qu'il n'y a, a pas de souci. Il y aura Art Sullivan aussi, donc, qui est un artiste oui. des années 70, mais par contre, je connais un peu moins. Ah, si, mais attends. Alors, il y avait une chanson, c'était la petite bah, oui. fille aux yeux bleus. Alors, c'était si, Art Sullivan, ça me parle. Ouais, ouais. Ah, ouais mais, si, ne confonds pas avec Art Mango. Hein. Non, Art Sullivan. Mais ouais, non, il a fait son succès à l'époque. Et il y aura une première partie avec le sosie vocal et physique donc, de Mike Brandt. Alors ça, on est fan ou pas. Hein, mais, Ah, moi, j'aimais bien Mike Brandt, franchement. Enfin, moi, c'est mes parents qui écoutaient ça quand j'étais plus petit. Ouais. Mais je trouvais que Mike Brandt, il avait une voix, mais terrible. Ouais. Quoi. C'est fait... comme ça que je t'aime. C'est dommage, hein, c'est, il t'a promis une belle carrière, mais je pense qu'il a été mal encadré, en fait. Hein, et... Excusez-moi. Attends, pourquoi ? Non, ouais, pas grave. Est-ce que vous saviez que Art Sullivan était belge ? Oui. Il est né du côté de Bruxelles et il a un lien lointain de parents. Bon, je peux faire ma chronique aussi. c'est ta chronique, vas-y. Non, je rigole. Vas-y. Il a un lien de parenté avec la reine de Belgique. Absolument. Ouais. Non, mais parce qu'on parle d'Art Sullivan, en fait, c'est Marc Liénard van Litt de Jeude. C'est son vrai nom. Il a bien fait de s'appeler Art Sullivan. C'est ça. Donc c'est MLNVLDJ. Va DJ. Il est de 1950. C'est un chanteur belge qui est connu. Là, je suis sur Wikipédia. Hein, je ramène pas ma science. Bon, on en parle. Attends, je vais laisser moi 5 secondes, le temps que j'ai du réseau. voilà. Il a donc en Belgique, il s'est produit en Amérique latine. Il a fait quand Il a fait son succès. Hein, bon, ouais, enfin, il est pas très connu. Il a vendu 20 millions de disques. Bien sûr. En 72. Vous imaginez les singles Ensemble, Mourir ou Vivre, Joël, ça vous parle, La petite fille aux yeux bleus. La petite fille aux yeux bleus. Adieu, sois heureuse. Je ne vous le parle pas, les filles. Hein. C'était une blague. Une larme d'amour, ça, il en faut. Aimer pour un été, on peut attendre l'hiver. Un océan de caresses, c'est ce soir. Au revoir, c'est moi. Donne-moi. Ça, c'est la version 8. C'est ma prière. Et c'est peut-être une version de Abba. De quoi ? Donne-moi. Ah, gimme, peut-être. Ah, peut-être. Hein. Qui sait ? Qui sait ? À voir. Peut-être. Ah, give me. Ça serait à chercher. Bah, je vais essayer de me laisser dans la tête là. Il a une discographie, mais tu te tapes le cul par terre. Ouais, hein, ouais. C'est, je vais même pas dérouler ma page. J'ai pas assez avec mon portable. Il est pas assez grand. C'est un acteur. Enfin, c'est un acteur. D'accord. Merci. C'est un chanteur qui, merci, Harry, qui a très bien marché. Non. Mais toujours sérieux. Sur RTL. Très bien marché. Alors, on a un message donc de Alain Informatique. Oui. Voilà, qui essaie de nous coller sur la page Facebook. Qui essaie de te coller toi, Sherlock, évidemment. Oui. Informatique, il se passe quelque chose. Qui fait une émission donc tous les samedis, c'est ça, hein. Oui, c'est il y a du monde chez Léon. Il y a du monde chez Léon, une super émission que vous devez écouter évidemment. Ah oui. Donc de quelle heure à quelle heure? Ça doit être de 10h30 à 13h ou quelque chose comme ça. C'est on est dans ces eaux là. Ouais. C'est pour dire largement, c'est 10h, 13h ou 13h30. Ouais, c'est ça, mais allez sur j'ai Internet, plus exactement les horaires, mais allez sur le site de la radio, vous allez retrouver les horaires correspondants. Et qu'est-ce qu'il a... Alors, c'était quoi son... Eh ben, son alors, en fait, il a essayé de nous coller, il a noté « Bonjour les 80s, devinette pour vous sur une série présente sur nos écrans dans les années 80 ». Ouais. Alors, il a noté « Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci J'en ai parlé il y a 15 jours. Mais évidemment. Oh, oui. C'est bonjour, monsieur Vincent. Il y a une version plus française avec Béjor, monsieur Vincent. C'est ça, oui. Béjor, les inconnus. Alors, l'émission, c'est 10h30, 13h. Hein. 10h30, 13h. Il faut l'écouter, évidemment. Je suis tombé dessus la semaine dernière. C'est vachement sympa. Donc, il y a du monde chez Léon. N'hésitez pas à écouter, évidemment. Léon de Bruxelles. Et donc, à quelle heure il faut y aller alors David Non, mais c'est pas la peine d'y aller s'il y a du monde qu'on peut pas manger. Non, mais bien sûr. Et donc, je lui ai dit que c'était les envahisseurs. Il m'a dit oui, tu es très fort. Et donc, il va essayer de corser un petit peu pour nous coller. Le rendez-vous est pris, Alain. Il va falloir que tu viennes nous voir. Ah oui, bien sûr. Là, on va laisser passer l'été. Mais à la rentrée, tu viens nous voir. Et on viendra te voir aussi également dans ton émission, si tu es d'accord, bien évidemment. Et on va essayer de se faire comme ça des petits jeux, comme on avait fait d'ailleurs avec Eric. Vous vous rappelez, hein. Oui, avec ça, c'était fait une spéciale disco. Il avait fait une spéciale années 80 blind test. Surtout, n'hésite pas. On avait pensé une très très bonne journée avec Amandine Buchini, avec aussi comment elle s'appelle maintenant, parce qu'elle est photographe. Mythica, absolument. Ah oui, Mythica, ah oui. Memberview. Voilà, ouais, c'est sa page. Elle a relancé, oui. Elle a... Ah bah ça fait une nouvelle page. Oui, ça fait c'est un clair. Bouton. Bon, allez, on fait une petite coupure musicale. Vas-y. Allez, vas-y. Coupure, allez. Vas-y, on va faire un roulé de song alors. Ou je sais pas si t'as un roulé de song à moi. Calogero. Calogero, ça sera les charts. Les charts, ouais. Oh merde, ta gueule. Ah ouais. Calogero, fais chier. Oh, tu m'énerves. Je suis triste. Non, mais je vous emmerde. Alors, moi, j'aimerais bien un petit. Pas Barzotti, s'il te plaît. Earth, Wind and Fire, ok. Earth, Wind and Fire. Bah non, Barzotti, pourquoi Barzotti? Parce que je l'écoute chez moi. Ah, bah heureusement. Moi, j'aimerais bien Berliner Louise. Ah, c'est ça. Ah, oui. Gérard Berliner. Il n'y a pas de problème. Eh ben, attends, tu sais que vous savez que je chante un petit peu. Je suis pas trop mauvais. Elle est très très complexe. Quelqu'un m'a dit une fois, tu la chantes pas mal, mais j'arrive pas à lui donner. Ce mec-là, il y avait que lui à pouvoir lui donner l'émission. C'est pas une question. Ok, on peut le prendre, mais même si je prends un tout petit peu plus bas, il mettait une émotion. Je suis certain que lui, il y a un vécu dans cette chanson. J'arrive pas à prendre cette émotion parce qu'elle me, elle me touche. La chanson me touche. Ne me quitte pas. Quelqu'un un jour m'a quitté. Fais-moi l'amour. C'est, tu vois, ce genre de choses. Quelqu'un t'a fait l'amour, ça m'étonnerait. Non, ça non, jamais. Malheureusement. Il y a du payer aussi. Non, non. Malheureusement, non. Par contre, tourner les serviettes, ça t'as déjà fait. Voir les culottes. Voir les culottes. Et il y en a, c'est deux. Il y a le col au plafond, après. Ah bah, c'est deux par jour. Hein. Et mais Berliner, pour revenir très sérieux, c'est vrai que c'est une chanson d'une émotion formidable que j'ai eu l'occasion une fois un autre chanteur. Ça me fait pleurer, moi, cette chanson. Il a interprété de manière formidable, mais. Il n'y a que Berliner qui arrive à lui donner cette émotion. On n'arrive pas à le toucher. Berliner qui nous a quittés il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Et pour la petite info, avec qui on avait eu un échange. Tout à fait. Voilà, et on avait eu un échange avec Gérard Berliner, à l'époque où il tournait sur un spectacle qui s'appelait... il faisait le rôle de Victor Hugo. Voilà. Ah oui, oui. De Victor Hugo, il lui ressemblait vachement. Et à qui on doit la célèbre phrase « Ich bin ein Berliner ». Non mais sérieux, mais sincèrement, il nous avait envoyé un petit message sympa et je vais vous le retransmettre d'ailleurs en disant ça me fait plaisir que vous intéressiez à moi. Bon, pour l'instant, je suis en train de tourner, pourquoi pas se voir. Et quelques mois après, il nous quittait. Voilà, Gérard Berliner, parce que moi, j'aurais aimé aussi le rencontrer, évidemment. Et c'est vraiment une question que j'aurais posée. Hein. Lui dire, si on peut, mais hors antenne et tout ça, qu'est-ce qui fait que tu arrives à être inspiré? On parlait de Mike Brandt qui bande d'un autre côté, mais Berliner, Louise, pour tous ceux qui ne connaissent pas, vous allez l'entendre tout à l'heure. Tu l'as? Oui, je l'ai. C'est une chanson qui est... Voir la vidéo. Oui. Faut le voir. Parce que chante, pour ceux qui l'écoutent, c'est vraiment l'histoire, d'une femme qui va tomber enceinte d'un soldat allemand et qui va être rejetée complètement et tout ça. Il y a du vécu. C'est impossible autrement qu'il puisse interpréter ça. Est-ce qu'elle avait été tendue à la libération? C'est pas ça. Bon, balance la musique. Donc Gérard Berliner avec Louise, c'est moi qui a bas et Earth, Wind and Fire avec Let's Groove. Bon, c'est pas raccord, mais bon. Bah, pas du tout. Mais bon, c'était vos choix, donc je m'y plie. On y va. Mais qui a soulagé sa peine? Porter son bois, porter les seaux, à faire une écharpe de laine le jour de la foire aux chevaux. Mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée dedans son lit, qui l'a traitée comme une femme au moins une fois dans sa vie. Le bois que porte Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques. Elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passer son bras, la promener, et l'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait. Le regard bleu sur Louis, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées, et l'ont raconté leur bataille dans le salon après le thé. Et les lettres qu'attendait Louis, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui sépare Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait.

Wow, tu fais vachement bien Chewbacca. C'est comme ça? Non, oui, tu fais pas comme ça. Si, c'est... Oh, attends, je suis Princesse Léa qui se fait prendre par Chewbacca. Oh non, s'il te plaît, Canon, il est encore tôt. Oh. C'est bon, ça, tôt. Bon, hey, fais-nous ton jingle quand même. Tu nous le fais. Hein. Ah oui? Ah bon, bien sûr, allez. C'est. Nom de Zeus! Ah non, c'est pas ça. Nom de Zeus, Cerdeux! Que se passe-t-il? On m'appelle pour faire la chronique Ciné Rétro 80? Mais tu te trompes là, c'est pas la chronique rétro au ciné 80, hein? Bah oui, je sais. Ah, d'accord, oh, c'est pas fini. Ah, d'accord, bon bah. Non, bah maintenant tu m'as niqué mon truc, voilà. Mais c'est tout, allez, c'est bah, tout. Bah refais-le, refais-le, vas-y, Sherlock, fais-nous plaisir, refais-le, évidemment. Bon, attends, je le remets au début. Oh, non, peut-être pas quand même. Non, le Zeus! On m'appelle pour faire la chronique ciné rétro 80? Comment ça, R2? C'est pas ma chronique? Non, casse-toi! Ouais, donc c'est ma chronique, maintenant je vais faire la chronique ciné. Tout ça pour ça. Oui. C'est pas mal. Bon, je voulais ma petite minute de gloire. Je voulais ma petite minute de gloire. Allez, refais-le. Attends, je vais filmer, je vais faire un selfie. Donc oui, effectivement, je vais vous parler donc des sorties cinéma pour demain, pour la Belgique et pour la France. Ouais. Je vais vous parler donc d'un film qui sort en Belgique et en France demain. C'est Mission Pays Basque, avec Florent Père, Élodie Fontan et Daniel Prévost. C'est un film de Ludovic Bernard. Et donc c'est Sibi, qui est jeune parisienne aux dents longues. Elle entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d'y implanter un supermarché. Le problème, ça, c'est du scénario. Eh ouais, ça, c'est du pitch. Génial. Alors bon, elle s'imagine avoir roulé le vieux propriétaire donc, qui est joué par Daniel Prévost, mais ce dernier est sous curatelle. Et donc, il est sous la curatelle de son neveu, Ramon, qui est joué par Florent Père. Et donc, lui n'a pas l'intention de vendre. Et donc, bon, voilà. Quoi. Ouais. C'est, en gros, c'est un bienvenu chez les ch'tis, mais ouais, dans, ouais, au Pays Basque. Ça. C'est ouais. Bon. Les... Ouais, le scénario, moi, c'est il m'accroche pas. Mais bon. C'est ça. Les chroniques, ouais. Que, enfin, les critiques, pardon, que j'en ai lues, ne sont pas super élogieuses. Quoi. D'accord. C'est un bah, Florent Père, moi, j'accroche pas déjà. C'est donc, un film sympa, mais voilà. Quoi. Ouais. Bah, sympa, c'est pour ça aussi qu'il sort au mois de juillet. Hein. Peut-être. Peut-être. Alors ensuite par contre, et ça je pense que Canon va aller le voir, la planète des singes, ah, suprématie. Oui. Encore oui. Ouais mais et si, oui. Depuis, ils ont je prends la parole à la place de Sherlock, 30 secondes. Je supporte pas, je les ai tous vus quand on était gamin et tout ça. Ils ont vraiment, après on aime ou pas, mais ils ont vraiment, dès le premier épisode, nouveau, hein, je veux dire, assez novateur, il y a quoi, il y a 8 ans maintenant, le premier, 7 ans ouais, 7 ans. Ça a été assez rapide quand même, ouais, c'est pas si vieux. C'est vraiment pas mal. Les effets spéciaux, il y en a même pas de trop. Ils ont réussi à mettre terre à terre, mais par contre, ils ont incrusté les singes là-dedans d'une manière où. Est-ce que tu l'as vu? Mais j'en ai vu plein. Mais non, oui, mais les derniers. Ah bah les derniers, oui, avec le singe. Il s'appelait comment déjà? Victor. César. César. Bah oui, César. Oui. Victor, tous les deux. Ouais, j'ai quand même une famille assez cinéphile d'ailleurs, et d'ailleurs justement dans les studios là, il y a mon beau-père et ma mère qui sont là et ils adorent ça justement, la planète des singes. Oui. Et j'ai eu l'occasion de regarder plusieurs fois des rediffs de la planète des singes. Il est fan de tout ça, mais il arrive un moment quoi, faut arrêter quoi. Ouais, mais c'est quoi alors, ils vont parler de quoi là? Bah non, ce que je veux dire c'est c'est un peu la genèse, c'est-à-dire c'est que à la base t'as eu la planète des singes qu'on a pris dans tous les épisodes possibles, et là ils ont repris à la base le premier épisode. Comment ce singe en fait a évolué, César? Comment en fait il a c'est déjà fait ça? Non non, mais ça s'est fait. Bah, ensuite oui. Comment les singes ont évolué un petit peu contre les humains, mais que César gardait un petit peu, se dire c'est bon, on fait un contrat de non-agression. Mmh. Et là on en arrive à la fameuse planète des singes qui fait qu'on a vu tous les épisodes après, c'est-à-dire que les singes régnaient sur la planète, où c'est la dernière fois où les singes voilà vont prendre, et on se dit c'est la dernière chance. Mais je suis en train de faire la chronique. Bah, fais-nous le pitch. Donc là c'est le volet final de la trilogie, parce que oui c'est une trilogie forcément. César et les singes sont contraints de mener un combat dont ils ne veulent pas contre une armée d'humains dirigée par un colonel impitoyable. Les singes connaissent des pertes considérables et César, dans sa quête de vengeance, va devoir lutter contre ses instincts les plus noirs. Au terme d'un périple qu'il conduira un face-à-face avec le colonel, les singes et les humains vont se livrer une guerre sans merci, à l'issue de laquelle une seule des deux espèces survivra et dominera la planète. Donc c'est en fait, en gros cette trilogie, c'est le préquel de la planète des singes de 79, je pense, avec Charlton Heston. D'accord. Et quand il arrive et qu'il voit le zoo et tout ça, on se rend compte, je trouve que c'est super que, quoi, 40 ans après 40 ans, plus que 50, ça. 50 ans. Peut-être même c'était plus que 1967, ça. 1967, 1968, enfin, je crois. Les années 70, non, ouais, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me dis, c'est super qu'on ait le préquel. Et je trouve que d'un autre côté, les singes, ils auraient pu, ils savent faire les effets spéciaux King Kong et tout ça. Ils les ont pas ni humanisés, ni trop bestiaux. C'est super bien foutu. Moi, je trouve que César, il est vraiment, c'est vraiment bien et foutu. Et les acteurs sont connus ou pas? Bah, ils ont un masque. Bah oui, il y a Woody Harrelson. Ouais. Qui est quand même assez connu, qui a joué... Tuerney, qui avait fait Tuerney d'ailleurs. Ouais, qui a aussi joué avec Wesley Snipes dans Les Blancs ne savent pas sauter. Ouais. Ça parlait de basket. Hein. C'est un biopic sur Sherlock. J'adore ce film déjà. Il faut que je le vois. Pour tous ceux qui en ont une courte. Il y a pas Brigitte Macron qui joue dedans. Non, il y a Judy Greer et Gabriel Chavarria. Oh, voilà, c'est un film de Matt Reeves et donc ça sort en France le 2 août. D'accord, on attend. Ouais, voilà, si vous voulez y aller, je veux dire en avant-première, vous pouvez aller en Belgique, ça sort demain. D'accord. Pour les sorties France, il y a The Circle, enfin The Circle. The Circle, yes. The Circle. Avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, Emma Watson et John Boyega. John Boyega qu'on a vu dans Star Wars 7, c'est le Black. Oui, voilà. D'accord. Donc, et c'est un film de James Ponsoldt. Et donc, ça se passe aux États-Unis dans un futur proche, May. Est engagé chez The Circle, donc qui est donc May, c'est Emma Watson. Donc c'est un groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux qui est devenu le plus puissant du monde. Pour elle, c'est une opportunité en or, et tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, qui est joué par Tom Hanks, l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles. Il va lui demander de porter une caméra H24. Et donc désormais le choix que fait May dans le cadre de cette expérience impacte l'avenir de ses amis, de ses proches et de l'humanité tout entière. Ouais. Et critique mitigée, hein. Je sais pas si t'as vu, mais ouais. De la part d'un film avec Tom Hanks, j'ai vu des critiques, c'est pas unanime. Je sais pas si c'est quoi, c'est un film très très bien écrit ou parce que psychologiquement, c'est vrai, c'est bien de visiter le côté on parle tous de Messenger. C'est une satire des réseaux sociaux. H24, on a déjà envie de se marrer. D'un autre côté, t'imagines ton intimité au quotidien. C'est plutôt un thriller, c'est plutôt une comédie. Hein, c'est pas sociologique. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment H24, il arrive des trucs super. Ah, je sais pas trop. D'un autre côté, bon, pas quand tu vas aux toilettes, n'importe quoi, mais je veux dire, tous les trucs de ton intimité, les discussions que tu peux avoir, regarde-nous hors antenne et tout ça, on est light, mais on se parle, on vit. Bah, heureusement que hors antenne, on enregistre pas. Hein. Si, moi. Et H24, ça doit être quelque chose de formidable. Ouais. Moi, je voudrais pas qu'on filme ma vie H24. Bah, deux, trois heures, on aimerait pas l'avoir non plus. Oh, je t'assure que si. T'adorerais ça. Alors, et donc celui-là sort le 9 août en Belgique. Donc là, par contre, pour le coup, si vous voulez le voir avant, allez le voir en France. Et demain, donc, sort Spider-Man Homecoming. Oui. Oh là là. Donc, qui est encore un numéro 1. Ouais, mais qu'est-ce qui vient de faire Iron Man dans l'histoire? Je comprends rien du tout. Parce qu'il fait partie des Avengers. Oui, ouais, d'accord. Bien sûr. Je comprends rien du tout. Mais si, quand je vois la bande-annonce, je comprends. Tu vas m'expliquer, mais je ne vais pas comprendre. Alors, le truc, c'est que le Spider-Man de ce film-là, on l'a déjà vu dans le film Captain America. Mm-hmm. Le dernier Captain America Civil War, qui est sorti parce qu'il y avait tous les Avengers. Ouais. Donc là, c'est un nouvel Avengers qui est là, en fait. Ils suivent un peu la trame des bouquins Marvel, des comics. Et donc, le Spider-Man fait partie des Avengers. Oui, tout à fait. Non, okay. C'est clair. Ok. Bon, ce qui est compliqué, j'avoue, même moi, je commence pas à m'y perdre, mais c'est vrai qu'on parle des préquels et tout ça. Il y a un moment, il faut qu'on avance. C'est-à-dire, c'est que, ok, on a compris, Spider-Man, avec Civil War, il apparaît en fait avec Captain America, qui à la base est en 1945, et puis c'est le soldat de l'hiver, etc. Il renaît, en fait, de ses cendres dans, on va dire, des années contemporaines. Mm-hmm. Et c'est vrai que ces années contemporaines, il y a déjà des super-héros. Mais c'est vrai que là, après, entre Green Lantern, Black Panther, c'est pas pour toi, c'est pour les auditeurs, il commence pas à avoir un mélange des genres, mais après on a Batman qui commence à se mettre sur la tronche avec Superman. Il y a un moment où ils épurent, parce que The Ant-Man fait exactement partie, mais si ne ça rentre continue, pas. Après. On va avoir Spider-Man avec Jason et bon. Puis Freddy Krueger. Parce que là c'est plus même univers. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'est que le jour où il y aura une licence qui vont commencer à prendre ça, là ça ne m'intéressera plus, parce que pour l'instant ils suivent une certaine logique enfantine, mais toi adulte que tu suis, comme Ant-Man, l'homme fourmi. Oui, il a fréquenté, on va pas rentrer dans les détails, mais à un moment, entre les X-Men, les Avengers, c'était un super héros qu'on a mis dedans, mais il fait pas vraiment, bon, on l'a mis histoire de, c'est comme Wonder Woman qui apparaît, tout ça, bon, il y a un moment, il y a mélange des genres, ça commence un peu, il faut pas mettre tous les genres. L'Iron Man avec Spider-Man, oui, dans les Marvel, oui, mais dans ces cas-là, il faut autre chose aussi, parce que ils ont une rencontre qui est très très précise. Alors il y a une histoire, alors, du coup. Ah oui, il y a une histoire. Donc, je vais déjà donner les acteurs. Donc, c'est avec Tom Holland. Alors, rien à voir avec le Tom... Non, ni François, d'ailleurs. Parce que aujourd'hui, ceux qui veulent voir qui est Tom Holland, ils vont aller taper sur Internet. Mm-hmm. Et ils vont voir qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tom Holland. Et ils vont voir que Tom Holland est né en 1943. Et ils vont se dire, merde, il est quand même vieux pour jouer Spider-Man. Mais non, le Tom Holland qui est né en 1943, c'est celui qui a fait Chucky. C'est le réalisateur de Chucky. D'accord. Donc c'est pas le même, c'est un homonyme. C'est pas du vieux, quoi. C'est le jeune Tom Holland. Ensuite, il y a Marisa Tomei et Robert Downey Jr., donc forcément, lui qui joue Iron Man. C'est un film de John Watts et on le verra donc la semaine prochaine sur les écrans belges. Très bien. Et donc après, ses spectaculaires débuts dans Captain America Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, donc celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toiles. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l'œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark, qui n'est autre qu'Iron Man. Ah oui. Mais ça va pas. Donc, il s'efforce de reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est le plus sympathique super-héros du quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, donc le Vautour, qui est joué par Michael Keaton, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. Le Vautour, des méchants de Spider-Man. Ouais. Julien Lepers. Oui, c'est ça. Par contre, si sérieux, il lui ressemble. Hein. Par contre, ce qui m'ennuie, sauf erreur des trompe-moi, c'est qu'il peut pas avoir connu Iron Man si Tante May est encore en vie. Oui. Il y a un truc qui va pas. Non, mais c'est vrai qu'ils font... Ils font un moment d'amalgame, parce qu'on laisse sur Spider-Man tous ceux qui connaissent le Spider-Man avec sa tante et avec son père qui était tué, il s'en veut. Et là, il peut pas avoir, selon les Marvel, sauf erreur, il ne peut pas rencontrer Iron Man en tant qu'Avengers qui va le recruter par la suite et tout ça, si sa tante est toujours en vie, parce qu'elle est décédée, sa tante. Je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Il y a quelques petites incohérences, mais... Ils font des raccourcis. Ouais, c'est ça. Ils ont fait des raccourcis, mais je pense que c'est pour tenir... ils vont peut-être faire aussi des intrigues là-dessus après, peut-être. Ouais, certainement. Ils vont faire du business là-dessus. Hein. Bah après, t'as le Vautour, t'as la genèse de la vie du Vautour, de Black Panther. C'est dommage de ne pas voir sa genèse de Black Panther. Ouais, mais je crois que ça devient du business maintenant. Le fantôme, ça vous parle, le fantôme? Le fantôme du Bengale, oui. Mon Dieu, qui avait déjà été joué dans les années 80 par Billy Zane. Et c'était une horreur. Et ils ont essayé alors Billy que... Billy Zane de Titanic. Oui, c'est ça. Absolument. Mais par contre, si aujourd'hui, ils reprennent un jour le fantôme, c'est des livres que je dévorais, moi. Ouais. Et c'est vrai qu'avec un peu les effets spéciaux, un peu comme les musiques 80 qu'on reprend avec du rythme, s'ils reprennent un peu l'histoire du fantôme un peu plus moderne, c'est vrai que le fantôme, il incarne vraiment un truc et c'est super. Ouais, c'est clair. Ils sont passionnés. On a perdu Flip 4. Le fantôme joue de la guitare électrique. Ah, on a récupéré Flip 4. Mais le fantôme, le problème du fantôme, c'est que il a pas de super pouvoir. Tu vas me dire, Batman n'a pas de super pouvoir non plus. Non. Mais je trouve que Batman incarne plus le super héros que le fantôme. Oui, le fantôme, c'est plus un vengeur. Oui, puis ça a été écrit il y a beaucoup plus longtemps. Oui. C'était les préquels des super héros. Le mec qui tire avec ses flingues et... Et donc vous iriez voir quoi? Le fantôme. Moi, Spider-Man, pour voir ce que ça en a donné, parce que j'ai vu les deux premières, j'ai vu la première trilogie, j'ai vu c'est une bilogie, ça devait être une trilogie normalement, le Amazing Spider-Man. Là, je veux voir ce que ça va donner, même si j'ai moins accroché à l'acteur Tom Holland dans Captain America. Mm-hmm. Je l'ai trouvé moins bon que les deux autres. Je suis d'accord. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner dans son propre film, voir si c'est vraiment bon. La planète des singes, j'ai vu le premier, j'ai pas vu le 2, donc là, si je vais voir le 3, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, The Circle, ça me dit bien aussi. Avec Emma Watson et Tom Hanks, pour voir un petit peu comment ils ont tourné ça par rapport aux réseaux sociaux et tout, voir comment ils ont fait ça, parce qu'il y a eu un film qui est sorti il y a pas très très longtemps non plus. Ouais, sur Facebook. Qui s'appelait Nerve. Où là c'était en gros un réseau social donc qui s'appelait Nerve, où on était soit joueur soit voyeur, et donc c'était une jeune fille qui elle décidait d'être joueuse, elle devait relever des défis, à chaque défi elle gagnait de l'argent qui était crédité sur son compte en banque. Ah oui, ça me parle ça. Et le truc c'est que c'est parti dans un enchaînement de pire en pire, où à la fin limite elle doit rouler avec quelqu'un à moto les yeux bandés sur une route, enfin bref, c'est des trucs 50 nuances de gueule, ou alors se pendre en haut d'une grue à une seule main, c'était vraiment, ça partait dans un crochet de boucher, non, en live, non, c'est un dorsel. Et donc là il parlait aussi de tous les travers des réseaux sociaux, et je trouvais que ça avait été assez bien mis en scène. J'attends de voir celui-là aussi, voir The Circle. Alors Flipkat, ben, je vais voir La planète des singes. C'est vrai. Ouais. Ouais, s'il faut aller voir quelque chose. Ouais, bref. Hein, c'est bien de se retrouver en famille de temps en temps. Parce que toi, t'es assidûment en famille. Ouais. Ils sont venus. Hey, Flipkat. Ils sont venus, ils sont tous là, venus du sud de l'Italie. Ouais, tu te sentiras moins seul comme ça. Ah bah oui, c'est bien de regarder des vidéos familiales de temps en temps. Salaud. Non mais c'est vrai que Flipkat... Je voulais la faire à Canon, je te promets, je voulais la faire à Canon. Ouais, ouais, ouais, quand même, plus fantastique. Je voulais la faire à Canon, ouais. Ouais, ouais, voilà. Bon, par contre, moi, aucun. J'irai voir aucun. D'accord. Non, sérieux. Même The Circle. Ça, non, parce que j'ai vu les critiques, c'est dur, hein. Tu vas chez Soch, c'est dur. Je suis passé chez Soch. Non, The Circle, non, et apparemment les critiques sont pas très bonnes, et ils disent même que c'est un des films de Tom Hanks qui est moins bien réussi. Donc voilà. Ah. Je préfère rester sur son dernier film là, avec où il était pilote d'avion là. Ah oui, adoré. Soli, un peu magnifique. Sorry. Ouais, c'est pas tout à fait le même. Mais il nous reste quelques minutes, petite figure musicale. T'en as rien à foutre de ce que je vais voir, moi. Bah si, tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Tu vas tout voir, toi. Non. Ah bon, ça y est, tu vas montrer quelque chose. Ça a poussé. Spider-Man. Ça a poussé absolument pas La planète des singes. Ah, La planète des singes. Et tu vas pas aller voir Spider-Man. Bah attends, vu que Flipkat va voir... je vais te laisser aller. Je vais aller voir Spider-Man. Non, je vais aller voir La planète des singes. Mais c'est bien de voir une petite vidéo familiale en famille. Non, mais je suis très très poil en ce moment. J'ai déjà entendu ça quelque part, c'est marrant. Ah ouais, il faut que je la ressorte, forcément. Forcément. Bah, petite coupure musicale, et puis après, on va se quitter, évidemment. Alors, fais-moi plaisir, rien que pour embêter Flipkat, mets-nous un petit Barzotti. Un petit Barzotti, ouais, bien sûr, j'ai ça. Alors, Barzotti qu'on aura en interview, hein, très certainement. Et alors, vous remarquerez qu'on n'a pas demandé ce que je voulais, moi. Hein. Bah si, après le Barzotti, tu lui dis. Oui, bien sûr. dans moins de 5 minutes, c'est fini. Non, parce qu'on souvent, Madame de Barzotti. Bah, c'est une belle chanson, oui, c'est bien beau, écrit, c'est une belle chanson. Ça te donne envie d'écrire à une femme. Et vas-y, Flipkat, dis-moi. Pardon ? Bah que veux-tu écouter? Bah non, comme je m'entendais pas ce qu'on me le demande. Ah bah, tu vas arrêter maintenant qu'on te le demande, dis un truc. Alors non, là vous me prenez dépourvu. Le jour où je vais te prendre un dépourvu, tu vas voir. Un petit forbon. Un petit clash. Un clash, ok. Juste derrière Barzotti, c'est génial. Ah ouais, ça va être top. Justement, ça va clasher. Ah, en défi mix, ce serait terrible. Alors, de toute façon, moi, Cholago, hein, non. Non, j'en ai d'autres, hein. London Clash. Calling. Alors attends, The Clash, Radio Clash. This is Radio Clash, The Magnificent Seven, Rock the Casbah. Ah, Rock the Casbah, j'aime beaucoup. I Thought the Law, London Calling. Alors il y a Onissa qui veut du forban. Allez, London Calling. Onissa veut du forban. Ouais. Ah oui. Ah, tiens, rien pour m'emmerder. C'est quoi la chanson? Elle se réveille celle-là. Qu'est-ce que vous avez dit? Roll the Casbah. Rock the Casbah. Une chanson du Maroc, ça, ou... Eh ben, Rock the Casbah, j'en parlerai dans une prochaine chronique qui sera sur les samples. Ça marche. C'est quel groupe, les samples? Oh merde, hein. Il m'emmerde, celui-là, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Moi aussi, je t'aime. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler.

coming. The sun's zooming in. Engines stuck on him. The wheat is going big. A nuclear error. But I have no fear. Cause London is drowning. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Et là, on vient juste de s'écouter The Clash avec London Calling. London Calling, ça fait plaisir à notre ami Flipkat, évidemment, qui est fan de... c'est quoi ce groupe déjà de merde ? The Clash. The Clash. non, je plaisante parce que j'aimais beaucoup aussi The Clash. Oui, non, j'aime toujours The Clash, d'ailleurs, oui. Évidemment. Alors, je suis plus, évidemment, les titres commerciaux, quoi. Rock the Casbah et Should I Stay or Should I Go. S'en est un, hein, c'est dans les quatre titres. Ouais, un peu moins, celui-là me parle un peu moins. Rock the Casbah, Radio Clash... C'est parce que, bon, c'est vrai que quand, je le disais toujours, quand on parle de Clash... Bien trop souvent, c'est Should I Stay or Should I Go. Et mais ça, est-ce que claque. Est-ce que c'est un rapport avec The Door, The Clinch, The Door? Non. Non, c'est un rapport. Non, non. Du Montag, Clinch. Du Montag Clinch. Ouais, Clinch et le porte. Ouais, non, non. Ou Buckel porte. J'ai n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ah ouais, je le disais, on a de la misère ça. Une chanson de serrurier, c'est The Clinch. C'est on a fait notre groupe The Clinch. C'est attribut de français, ça, les Clinch. Les Clinch. Bah, c'est vrai? Bah non. Ça pourrait, mais ça pourrait. Ouais. Je suis sûr. Hein. Un tribut officiel français, ça peut exister. Ça pourrait, bon, c'est vrai. Alors, nous, on va se quitter évidemment sur ces dernières paroles. En remerciant tout le monde. Merci Flipkat pour ta chronique. Ouais, bah, je t'en prie. Merci Kat pour ta chronique. Je suis content parce que ça a été difficile. Avec plaisir. Ouais, belle chronique sur Art Sullivan quand même. C'est vrai. Mais c'était la chronique la plus courte. Oui, oui. Et merci bien sûr. Merci à pour Sherlock. Mais je t'en prie. Aussi. Et on te remercie Harry également pour ta chronique. Franchement, c'est vrai que c'est pas souvent que tu nous délègues d'une si bonne chronique. Je sais. Hein, la semaine prochaine, je ferai mieux. Alors, je vous rappelle, et on peut quand même le dire au passage, c'est que donc nous, vendredi, nous serons donc avec Sloan, de Peter et Sloan. On sera également donc avec Pat Ottawan pour une interview. Logiquement, on devrait filmer, voilà, avec une GoPro, machin, vous aurez... C'est pas logiquement, c'est sûr, j'ai signé un contrat, donc ça va être filmé, ça d'accord. va être machin. Donc on sera à trois. J'ai pas signé, moi. Donc Canon, Sherlock et moi-même, on aura l'occasion donc de faire une petite interview. Si on a l'occasion aussi de croiser Thierry Pastor, ben on ne gênera pas non plus. Bien sûr. Et petite question, l'interview, tu vas la rediffuser quand? Non, bah, ça on verra. Si c'est Canon qui s'en occupe, ça va être pour la traduction le soir même. Ça sera le soir même. Bon. Non, t'inquiète, pour ça, t'inquiète, ça va être. Ah oui, ça je vais m'en occuper, t'inquiète pas, le soir même, ça sera fait. Le soir même, ça sera fait. Donc, si vous, de votre côté, si vous avez envie de poser des questions, on dirait, pourquoi pas. N'hésitez pas à utiliser notre page Facebook, l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Si vous avez envie de poser une question à Sloan, tiens, ça va nous aider, ça nous fera des questions. Ah oui, à moi. Oui, c'est vrai, si vous voilà, avez des à Sloan, ou alors à Pat Ottawan, ou alors également à Thierry Pastor, n'hésitez pas, puisque nous, on y sera. Donc ce vendredi-ci, à partir. Alors, le concert démarre à partir de 15h. Donc c'est de 15h à 18h et chacun des artistes donc va se succéder. Nous on y sera juste avant et puis on sera un plaisir de si vous souhaitez qu'on leur transmette des questions ou ce genre de choses, on n'hésitera pas à le faire. Voilà. Ok. Bah, c'était bien. Voilà. Et bah écoute, on va se quitter avec une chanson que j'avais pas mis dans les covers tout à l'heure. Ouais. Parce que justement, c'est une cover qui est plus récente. Oui. Une cover. Bah, je sais pas, on dit les deux en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y a un grand débat. J'ai tendance à dire un, ouais. Mais on dit une couverture. Ouais, tu tires les couvertures. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, j'en dis masculin parce que Harry Cover. Ouais. Bon, ok. Donc. Point, point, point, point. Oh, bah, désolé, hein, elle voulait les vôtres. Hein. Ah oui, Et c'était la soirée, c'était la fête à Neneu. Ah oui, avec les... d'accord. Ah, oui. Blague à deux balles. Je dis pas le contraire. Enfin, surtout Canon. Moi, je suis un petit neuneu. Alors, je t'emmerde. Je ne sais pas si vous connaissiez la chanson des années 80. Si. C'est sorti en 88. Si, c'était The Laz qui chantait et c'était There She Goes. Alors, ah non. Eh ben, vous allez la découvrir là. Ouais. Et ça a été repris par Sixpence None the Richer. Ah là, fallait aussi acheter le 33 tours parce que. Ouais, c'est ça. Non, mais leur chanson de Sixpence None the Richer a été très connue, notamment par la série Dawson. Ah ouais, non, je suis pas fan, mais d'accord. Bon, après, pour ce... Ouais. Ils ont chanté Kiss Me. So kiss me... Na, na, na, na, na, na. Ah oui, c'est pas... Voilà. Et ils ont, repris donc There She Goes du groupe The Laz, qui était en 88 les auteurs de la chanson. Et Kiss Me, qui était en fait déjà qui était à cover. Hein, c'est oui, oui. De c'est Jérôme. Cover Kiss de Kiss My Ass. As You Love Me. C'est pas vrai. Après, ils ont lancé les Laz Moquettes. Voilà. Par contre, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, la semaine prochaine, oui. Si tout va bien, on recevra donc les Dédés. Les quoi? Les Dédés. Les Dédés. Les Dédés. Et ouais, les Dédés qui viendront voir. Le débarquement, ça s'appelle D-Day. C'est les Dédés. Il n'y a pas de pluriel, hein, on est bien d'accord. Les Dédés, donc c'est un groupe musical que Canon connaît, puisqu'il les a rencontrés donc, dimanche. Oui, voilà, bien sûr. Puisqu'ils font une date donc, le 29 juillet au Palais des Sports, donc à Waterloo. C'est sympa. Voilà, donc pour clôturer en fait l'année du café, hein, c'est un café hein, tout simplement. Donc ils organisent un concert dans le café, et puis tout en extérieur. Et puis il y a une terrasse, et s'il fait beau, ça va être magnifique. Donc les Dédés qui font des reprises. Donc c'est un batteur et un claviériste. Un claviériste, voilà. Un claviériste. Un synthétiseuriste. Voilà. Un mougueriste. Un DXXX. Normalement, il devrait être avec nous la semaine prochaine. D'accord. Justement pour nous présenter. Et puis. S'ils viennent, il y aura une surprise pour toi. Ce qui m'ennuie. Ah bon Charlotte, ouais, j'ai demandé un truc expressément pour toi. Donc, voilà. Avec Harry, depuis 5 ans d'émission, ce qui m'ennuie, c'est ils vont venir normalement. Ouais, non. Si, on doit confirmer leur venue, ils viendront. D'ailleurs, il faudrait que je les appelle, mais ça fait un an que je les ai pas. Mais non, je les ai vus dimanche, j'étais là au Canon. Oui, j'étais là. Mais je suis parti tôt, moi. Peut-être, moi aussi. Bon. Et avant la coupe, il y a un petit message, je ne sais pas si vous êtes au courant, je sais pas qui ça s'adresse. N'oublie pas ma dédicace. Pour mon anniversaire. Nous, on s'en fout, ta dédicace pour ton anniversaire. De toute façon, t'es trop vieux. Ça, c'est le message, oui, c'est ouais. Nissa. Bon, Donc, un petit Edith Piaf pour les 70 ans. Nissa. Non, Nissa, on est méchants, mais on a perçu une dédicace de quoi? Vas-y, renvoie-nous. Vas-y, t'as 30 secondes. Ouais, on aimerait bien. Bah oui, qu'est-ce on que tu veux, Nissa? Une dédicace de quoi? J'ai pas suivi, moi, dans. N'oublie pas ma dédicace pour mon anniversaire. Bon, bah, joyeux anniversaire. Bon, bah, écoute, mets-lui le Zizi de Pierre Perret pour son anniversaire. Ouais. Bah, je l'ai pas, c'est pas années 80. L'habitat d'Udule? Non plus. Ah. Bon bah tu peux peut-être la faire en direct. J'ai Pitéric si tu veux. Un jour si tu la frappe. Voilà, quelle horreur. Bon allez, on va terminer en beauté quand même. Donc The Laz avec There She Goes. Ah, ok, ça marche. Lisa a répondu oui à la bise à Didier. On t'embrasse en tout cas. Allez, bien, on t'embrasse et à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao, bye.